à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Arc-en-ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Yeah.

Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h. Et puis comme vous le savez, dans l'émission Mavrika, on aime bien recevoir des artistes. Et c'est pour ça que je regarde depuis pas mal d'années déjà, ça fait bientôt 13 ans qu'on reçoit des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et nous en sommes à la 537e édition. Voilà, on va remonter un petit peu jusqu'à la 521e, où nous avions reçu le groupe Duke. Je peux vous annoncer que le groupe Duke fera partie du prochain Mavrika Live, donc ça c'est confirmé. Il y aura aussi le groupe Yeti qui est confirmé aussi pour le prochain Mavrika Live, qui aura lieu le 10 juin. On en parlera d'ici là. Dans l'émission numéro 524, nous avions reçu Therapad. Dans l'émission numéro 525, c'était le groupe Corrosive System qui était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Dans l'émission numéro 526, donc c'était au mois d'octobre, c'était le 4, nous avions reçu Yous, hein, qui était venu nous parler encore d'un de ses talents, puisque c'est un chanteur qui s'accompagne à la guitare, qui fait aussi de la musique hip-hop, hein, et qui fait aussi de la musique reggae. Et cette fois-ci, c'était sa facette reggae qui était venu nous présenter. Dans l'émission numéro 527, nous avions nos amis des Swing Camille, qui étaient venus jouer en direct, hein. Ils avaient joué, si je me souviens bien, 14 morceaux en direct, donc vraiment un festival dans l'émission Mavrika. Et l'émission numéro 528, c'était le groupe La Jarry, qui était venu, hein. Habituellement, ils viennent au mois de décembre tous les ans, et cette fois-ci, ils étaient un petit peu en manque. Donc, ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient pas venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à cause du Covid, hein, comme vous le savez. Et cette fois-ci, ils étaient venus donc au mois de novembre, et c'était le 8 novembre. Nous avions reçu aussi Jesus Whiskey dans l'émission numéro 529. Dans l'émission numéro 531, c'était le groupe Narcos, une découverte dans l'émission Mavrika. Hein. On a passé un super bon moment. Et puis, dans l'année 2026, voilà, on 23. Ouais, 2023. Moi, je prends déjà de l'avance, hein, déjà. Je suis déjà dans 3 ans. Donc, dans l'émission numéro 535, c'était le 6 janvier 2023, nous avions reçu pour la deuxième fois notre ami Alex Lebaille, avec lequel on a passé des bons moments. Et puis, donc on le retrouvera assez régulièrement, vous allez voir, hein. C'est quelqu'un qui nous suit beaucoup et qui reviendra parce qu'il nous a présenté un autre groupe que nous allons pas tarder à recevoir. Il sera à nouveau dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. La semaine dernière, c'était une découverte, dont il y a des musiciens qu'on connaissait déjà, d'autres qu'on a découverts, et les 4 musiciens que nous avons reçus la semaine dernière composent le groupe The Jig, et on a passé un super bon moment, franchement, j'ai adoré. Donc il y avait des lives, et vous avez pu découvrir le podcast en début de la semaine dernière, le podcast qui a été posté par notre ami Florent, voilà, on le remercie. Alors effectivement, j'allais vous présenter aussi l'agenda avec tous les artistes que nous allons recevoir, mais effectivement mon téléphone s'est mis en veille, donc là je le rallume, et voilà, on fait tout en direct dans l'émission. Donc on revient au 6 janvier, nous avons reçu Alex Lebaille. Le 20 janvier, nous avons reçu 2 gigs. Au mois de février, nous allons recevoir les brunettes qui seront là le 3 février. Le 17, nous allons recevoir les oreilles qui saignent. Voilà, c'est confirmé avec un des membres du groupe. Le 24 février, ce sera Anaïs from Paris. Comme le nom l'indique, c'est un groupe qui viendra de Paris. Et c'est le fameux groupe que notre ami Alex Lebaille nous a conseillé. Et donc il sera là aussi au mois de on va continuer au mois de mars, hein, parce qu'on a jusqu'au mois d'avril. Il y aura le groupe Ombrage le 3 mars, le groupe Full System le 10 mars, et le 17 mars, le groupe Prisma. Mais bon, ça c'est à voir, ils viendront peut-être à un autre moment. Voilà, vous êtes dans l'émission Mavrika, et puis j'arrive à la fin du morceau, et il s'est arrêté, et il n'y a rien qui démarre, on continue en musique. Je vous présenterai les titres juste après. Pas de soucis. voilà, des fois j'ai le temps de tout dire pendant le générique. Hein. Le générique, c'est Midnight Dub des Burning Head, hein, qu'on diffuse déjà depuis pas mal de temps. Donc c'est un instrumental, et c'est là-dessus que je présente habituellement toutes les émissions. Et là, du coup, je suis arrivé à la fin du morceau sans avoir eu le temps de tout vous annoncer. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est que cette émission aujourd'hui est consacrée à une artiste. Elle est là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je l'ai gardée pour la fin, et voilà, comme ça, je vous ai pas fait patienter encore un peu plus de temps. Il s'agit d'Elsia, elle est avec nous, et à l'instant on vient d'écouter un morceau des Songs Come Hans avec Underworld, un groupe que j'ai eu l'occasion de voir déjà à deux reprises en concert, qui envoie bien du bois, hein, comme vous avez pu l'entendre. Ça s'appelle Underworld, les Songs Come Hans. Juste avant, c'était Drive to Amnesia, un groupe que nous avions reçu il y a quelques semaines, et le morceau qu'on a écouté s'appelle Away. Les Broken Arms encore avant, avec le morceau qui s'appelle L'Horizon. Alors les Broken Arms qu'on devait recevoir dans l'émission de l'Horequin, c'était prévu et tout ça, mais le groupe n'existe plus, donc forcément on les recevra peut-être dans d'autres projets, il n'y a pas de souci. Et on a commencé cette émission avec Bad Sheep, un groupe que j'ai vu il n'y a pas très longtemps au Dropkick en concert, et le morceau qu'on a écouté c'était Broken Heart. On vient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec notre invité, on l'accueille tout de suite. Salut Elsia. Bonsoir Albino, bonsoir à vos auditeurs. Ah super, voilà, elle se présente bien tout de suite, la voix qui passe bien. Parce qu'il y a des fois, je suis obligé de régler un petit peu les potentiomètres. Là, ça passe bien, impeccable. Tu vas bien, Elsia? Très très bien, ravie. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Hein. Oh, oui, avec le confinement, on n'a pas pu se voir. Donc, le là, je confinement, suis ravie. Et c'est vrai que pour te présenter, tu es déjà venu dans l'émission Mavrika. Oui. Ça fait combien de temps déjà? C'est vrai, ça commence à remonter. On recherchera dans le cours de l'émission. Enfin, il s'est passé plein de choses entre temps, oui. Donc aujourd'hui tu viens en tant que chanteuse, hein, oui, auteur, compositeur, interprète, c'est ça? Oui. C'est toi qui fais tout. En partie, oui. En partie, oui. Après, voilà, j'écris, je compose des mélodies de chant, et puis je me fais accompagner par des musiciens. Des bons musiciens. Oui, très bons musiciens. Voilà, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter mes nouveautés. Et écoutez. On peut en parler ce soir avec grand plaisir. Voilà. Donc, on a plusieurs morceaux à faire écouter à nos auditeurs. Hein. Moi, je les diffuse assez régulièrement. Ceux qui ont l'habitude d'écouter l'émission vont reconnaître la voix. En plus, à chaque fois, je te l'ai dit tout à l'heure hors antenne, à chaque fois que je l'ai diffusé dans les dernières émissions, à chaque fois que j'avais des invités, ils me disaient « Waouh, c'est bien !» Alors, c'est vrai que le dernier morceau, on va se le garder peut-être pour tout à l'heure, oui. Qui s'appelle « No Games ». No Games. Alors, il y a un clip vidéo qui est super, super bien fait, qu'on peut partager. Tiens, on le partagera dans le mur du Facebook de l'émission Mavrika. À chaque fois, les gens ils me parlent d'ambiance. C'est vrai qu'il y a une ambiance dans tes chansons, et c'est vrai qu'il y a un petit, je sais pas comment l'exprimer, mais les gens ils disent ah mais c'est drôlement bien fait, c'est drôlement bien. J'ai toujours eu des commentaires, voilà, positifs en tout cas. Hein. Ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que je diffuse pas mal de trucs pendant que j'ai des invités. Je diffuse aussi d'autres morceaux, hein, comme on vient de le faire à l'instant avec d'autres artistes. Et des fois, bon, je diffuse des trucs, les gens. Mais là, à chaque fois, il y avait des commentaires, les gens me disaient ah c'est bien, c'est vraiment tant mieux. C'est original et tout ça, donc on va prendre le temps de découvrir tout ton univers pour les gens qui ne te connaissent pas encore, et pour ceux qui te connaissent, et ben on va parler justement du nouveau single qui s'appelle No Games. Oui, c'est tout ça. À fait, oui. Donc le nouveau single qui est sorti quand? 30 septembre dernier. Oui, donc c'est tout récent encore. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Donc c'est un je souhaitais en fait parler de résilience, c'est-à-dire que c'est un message universel. Ça fait référence à une expérience personnelle, mais qui peut faire écho. Et c'est pas parce qu'on a touché le fond qu'on ne peut pas se relever. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont vécu des relations toxiques. Donc, en fait, on peut se relever, on peut renaître tel le phénix. On peut avancer, on peut trouver en soi l'énergie positive pour remonter et avancer. Et donc voilà, c'était vraiment ce côté positif. Il faut être dans la résilience, dans la transmutation en fait. Toute expérience est bonne à prendre, même si on peut vivre des choses très difficiles. Il faut savoir voir le côté positif malgré tout de la chose pour avancer. Donc No Games, c'est ça. On arrête les jeux, c'est terminé, et on avance vers du positif, et on tend vers du positif. Alors c'est vrai qu'il y a un côté où j'appelle en fait la lumière, les étoiles entre guillemets, à venir et à me donner l'énergie pour avancer. Donc c'est ça en fait. Ce morceau, c'est aller vers du positif. Donc il y a toute une évolution, ne serait-ce que pour le clip, où là, en fait, c'est une séparation. Donc je prends une voiture décapotable. Oui, c'est l'aventure. Je pars. Celle avec laquelle tu es venue ce soir. Hein, tout à fait. Oui, je viens en triomphe décapotable, bien sûr. Tout à fait. Et donc là, cette partie-là a été tournée en Sologne, au château de Villette. D'accord. Il y a une partie qui est tournée à l'Empreinte Hôtel à Orléans, et puis une autre partie qui est tournée à côté de Deauville. Et là, effectivement, toute la partie, je dirais, qui est traitée dans le Loiret, c'est avec un effet Super 8, des couleurs chaudes, et ça fait référence au côté passé, c'est-à-dire que je laisse le passé, le côté négatif derrière moi. Et après, tout ce qui est l'actuel, c'est-à-dire le positif, il y a une renaissance. Là, c'est un traitement plus contemporain au niveau de l'image. Donc, et puis la mer, forcément, c'est la renaissance. On se nettoie avec l'eau et on renaît à la vie. Donc, voilà, c'est un nouveau départ. Et puis, bon, moi, j'ai travaillé en collaboration avec Factum, qui est, enfin, ils sont fabuleux pour tout ce qui est montage. Ils ont l'habitude de travailler avec la maison Dior. Ils ont dernièrement réalisé un teaser pour Rihanna. Donc, voilà, c'est vraiment une super équipe. Et ils ont bien suivi tout le déroulé du storyboard, parce qu'effectivement, à chaque fois, je projette les clips, les tenues, je sélectionne les accessoires, je crée mon équipe, et puis voilà, tous ensemble, il y a une belle énergie qui se crée autour d'un univers, en fait. Voilà, donc c'est vraiment une narration, et j'invite l'auditeur, quand il écoute, à se plonger dans mon univers, et quand il regarde les clips, ben justement à se plonger dedans et aller vers du positif, même si on peut avoir vécu des choses difficiles, il faut toujours voir le positif. Donc ce soir, c'est une séance de coaching pour dire, voilà, c'est ça. Il faut toujours aller de l'avant, être toujours le côté positif. Oui, et c'est vrai que dans la vie des gens, on change, on évolue, et souvent, les mauvais coups qu'on a pris nous permettent aussi de nous renforcer et puis comme tu dis, de te relever et de vouloir aller de l'avant. Donc c'est vrai que des fois ça peut nous retarder pendant un certain temps, hein, forcément, ça. Mais à un moment il faut se dire, voilà, on repart, et puis cette fois-ci on met tout, c'est passé, c'est derrière nous maintenant, ce qui est fait, on pourra pas revenir en arrière. C'est vraiment la résilience. Donc, c'est la résilience, voilà. Très bien, en tout cas c'est un mot qu'on aime bien, parce qu'il y a pas très longtemps il y avait aussi un groupe qui est passé ici qui avait un titre qui s'appelle Résilience. D'ailleurs, l'album s'appelle Résilience aussi. C'est le groupe Odeon, voilà. D'accord. Un groupe qui normalement n'existe plus aujourd'hui. C'était la dernière fois qu'ils venaient à la radio, parce qu'ils se sont séparés dans de bons termes, parce que forcément les musiciens, des fois géographiquement, ils sont obligés de se séparer, et puis donc c'est plus possible. Mais on les verra sûrement dans d'autres projets. Voilà, ça fait partie de l'histoire de la musique, hein. C'est comme tout ça. Tout à fait. Oui. Très bien. Et là, ça sera une résilience aussi, puisque un groupe se termine, il y en a d'autres qui vont naître. Hein. Voilà. Très bien. Alors, moi, je t'avais découvert avec un autre morceau, hein, tu as combien de morceaux en tout? Parce que alors, moi, j'en connais bien trois. Mais... Actuellement, il y a trois singles. Il y a Liberty, Paranoid et No Games. Ouais. Et puis, il y a des choses qui sont dans les tuyaux. C'est-à-dire que je travaille actuellement sur un album. Donc, je suis en studio. Je fais un travail en studio avec des musiciens. Donc, voilà. On va en parler de tout ça. On a plein de choses à dire. Donc, aujourd'hui. Le premier morceau, il était sorti il y a combien de temps? Liberty, voilà. Liberty, c'est ça. Ouais. Ah, je me souviens bien de ce morceau-là. C'était là que j'avais découvert. J'ai dit, vraiment. Et en plus, à chaque fois, bon, c'est vrai que tu as sorti trois singles. À chaque fois, il y a des clips avec. Oui. C'est toujours bien fait. Bon, et t'as un souci de l'esthétique au niveau des, tu as parlé tout à l'heure des traitements d'image. Oui, aussi, la beauté des paysages, les cadrages, les montages. On voit qu'il y a tout un travail. Et puis, la musique, hein, forcément, qui va avec. On voit qu'il y a tout un travail d'esthétique, quoi. C'est-à-dire que à la base, je suis designer, donc voilà, ça aide aussi. Forcément, j'arrive à projeter les choses, tant au niveau, effectivement, il y a la partie musicale, mais il y a aussi toute la partie esthétique, visuelle. Donc, automatiquement, j'ai des flashs et j'imagine ce qui peut être réalisé. Donc après, forcément, il y a des contraintes techniques, mais j'ai des exigences quant à la qualité des images, l'univers recherché, Et effectivement, pour Liberty, là, il y avait aussi tout un traitement d'image. Donc, on avait tourné une partie dans la salle de l'Institut du Conservatoire d'Orléans, des parties également sur les bords de Loire. Donc, il y avait une recherche d'image, de lumière, et puis une autre partie dans mon atelier de peinture, puisque on voyait peindre. Voilà. J'allais te poser justement la question. J'ai même pas besoin de faire facettes, la transition. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, tu es aussi peintre, artiste plasticienne, Voilà. Et d'ailleurs, tu avais exposé à Maverick Alive, hein, je me souviens très bien. Donc j'ai pu découvrir tes tableaux qui sont très colorés. Moi j'aime bien parce qu'ils sont plein de couleurs, ils sont vivants, ils sont voilà, comment décrire, c'est pas facile à la radio. C'est-à-dire qu'en réalité je pars du principe que des tableaux ça vibre, c'est-à-dire que avec les couleurs, les contrastes, la luminosité, les clairs obscurs, tout ça font que il y a une vibration qui émane en fait des tableaux, tout comme la musique. Donc pour moi, ça s'imbrique, ça va ensemble. L'art, enfin je suis sensible à l'art de manière générale, que ce soit la musique, la sculpture, la peinture. Enfin voilà, c'est très large. Voilà, c'est souvent le cas. Moi je vois souvent des musiciens qui ont des flashs, des couleurs, ils voient des couleurs avec la musique, hein. C'est vrai que je pense que c'est associé quelque part dans le cerveau, ça doit correspondre un petit peu. Et inversement, il y a aussi des artistes qui, par exemple, on imagine les peintres, je pense que c'est ton cas. Je voyais aussi tout à l'heure, c'était un dessinateur de bande dessinée. Alors il faut savoir, il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire une bande dessinée. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très long. Et pendant ce temps-là, ils écoutent souvent de la musique. Hein. Ça les inspire, ça les met dans un certain climat. Et donc ils choisissent sûrement la musique par rapport à ce qu'ils font. C'est donc ça. Voilà. Donc je pense que les deux sont liés. Hein. Et je pense que si on a une sensibilité pour un art, on en a aussi pour d'autres, hein, même si des fois ça peut être aussi la photo. Tu me parlais tout à l'heure de traitement d'image, la vidéo, la photo. Bon, ça, c'est l'image, tout ça, la peinture. Et après, il y a aussi le son, d'autres choses comme ça. Voilà. Et puis, Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la création, il est vrai que lorsque je peins ou je crée, j'ai toujours de la musique. Souvent, c'est du jazz. Après, chacun a ses goûts. Mais oui, souvent, voilà. En tout cas, je suis dans un univers sonore. J'ai besoin de ça, quoi, pour créer. D'accord. Et puis en plus, tu parlais de jazz justement. Je pense que pour chaque par rapport à ton style, le jazz à ce moment-là, tu vas écouter ça. Peut-être dans d'autres occasions, tu vas écouter un autre style de musique. Oui, je pense de la soul. Ouais, voilà. Il peut y avoir plein de choses différentes. Oui. Et je pense qu'on est tous comme ça pour créer. Peut-être t'as besoin vraiment du jazz parce que c'est quelque chose de comment expliquer quel style de jazz déjà tu écoutes, parce que le jazz c'est très très très large. Oui, c'est très large. Bon, j'avoue que, alors sans citer de radio spécifique, mais oui, j'écoute, voilà. Donc forcément, une j'écoute radio, un petit peu voilà, spécialisée sur le jazz. Voilà, c'est très ça. Bien. Voilà. Oui, du coup, je me branche directement dessus et voilà. Après, à contrario, quand j'écris, j'ai des flashs d'images. Donc là, je transcris par des mots ce que j'ai en flash. Que ce soit des couleurs, c'est comme des tableaux en réalité. Et après, j'essaie de trouver le bon mot qui correspond à l'intention, à l'expression, à l'émotion que je veux transcrire. À savoir que les voyelles fonctionnent plus dans ma voix que les consonnes. Donc après, il faut que je trouve le bon vocabulaire qui corresponde et qui puisse sonner. C'est tout ça. Voilà. Donc c'est toute une gymnastique. Non, finalement, tu nous parles souvent de flash. Tu as des flashs. Oui. Ça peut être aussi bien des couleurs, des sons, des choses. Et après, il faut que tu arrives à tout. C'est ça. C'est tout un travail dans ta tête, quoi. Et voilà. Parce que des fois, on est plusieurs à l'intérieur. Non, mais je pense que effectivement, des fois, on a plein de choses, mais après, il faut ordonner tout ça. Et c'est tout un travail, parce que des fois, on peut rester dans l'émotion et puis c'est tout. Mais toi, tu dois créer à partir de ça. C'est avec des morceaux d'émotion que tu ressens. Tu dois créer des chansons, des tableaux, des univers. Et après, justement, pour essayer de transmettre ça aux gens qui vont découvrir. Il faut que ça touche et que ça fasse mouche. Donc voilà, toute la complexité de la création. Très bien. Et en plus, je vois que t'es quelqu'un de positif. Donc souvent, c'est des couleurs assez vives. Moi, je vois c'est tes ça. Tableaux. Moi, j'adore. Hein. Ils sont magnifiques. Est-ce que tu exposes dernièrement des tableaux? Ah là, non. En ce moment, je suis vraiment concentrée sur la musique. La musique. J'y reviendrai probablement, mais là, je suis vraiment sur la musique, oui. Bon, on va écouter un petit peu de musique alors. Tout à fait, on va volontiers. Le fameux morceau Liberty, le morceau avec lequel je t'ai découvert. Et on pourra, je vais essayer de retrouver tous les clips et on va les partager sur le Facebook de l'émission Mavrika. Bah, avec plaisir. Où est passé tout espoir, plaqué dans un placard, la lueur du matin, croire en son destin, donner cette existence, cette peur, ses souffrances. Oh, liberty, yeah, I feel free, I'll never let you down, ça n'est qu'un de background. Ressentir ta chaleur, tes regards qui se frôlent, zéphyr sur mon épaule, c'est une incandescence qui touche à la démence, puis c'est la collision, fusion des émotions. Oh, liberty, yeah, I feel free, I'll never let you down, ça n'est qu'un de background. Morceau, donc j'ai partagé hein, pendant, j'ai travaillé pendant ce temps-là. J'ai partagé les trois clips sur le Facebook de l'émission Mavrika. Comme ça, les gens pourront voir. Parce que je pense que ça va ensemble. Hein. Oui. Quand tu sors un produit, hein, on va dire, on va parler oui, comme oui, ça. Il y a le clip, il y a la musique, il y a tout ça. Donc moi, à la radio, je diffuse forcément la musique, mais les images. Je crois que c'est important aussi de les découvrir. Donc c'est un ça. Ensemble. Hein, c'est un vraiment. Ensemble. Mmh. Voilà. Très bien. Là, on a écouté le premier morceau. Tout à l'heure, on écoutera le deuxième, qu'on présentera aussi. Alors, toi, tu écris en français et en anglais. Voilà, alors, les deux langues. Certains un peu. Morceaux ouais. ont un mélange des deux. Ouais. Sur l'album, j'ai un ami musicien qui m'a proposé aussi des compos à lui. Donc, je suis aussi ouverte aux propositions de composition quand je les trouve pertinentes, effectivement. Mmh. Et là, pour le coup, il y aura des morceaux tout en anglais. Et je m'attelle aussi à écrire complètement en français totalement. Donc après avoir, mais c'est vrai que lorsque je faisais des concerts ou à l'époque je faisais des reprises, comme j'ai un univers à la base très soul, on me reprochait de chanter essentiellement en anglais, ce qui est normal finalement avec ce répertoire-là. Mais il y a une partie du public qui comprenait pas forcément les paroles. Et je me suis dit oui, ce serait quand même plus pertinent de bah, d'écrire un peu en français aussi. Alors c'est vrai que l'anglais sonne bien dans forcément. Oui, tout à fait, oui. Dans ma voix, donc c'est vrai que en tout cas pour les trois premiers singles, j'avais mélangé des deux, français et anglais. Après, effectivement, il va y en avoir tout en français, oui. Bon, très bien. Donc, voilà. C'est vrai que le français, c'est important parce que pour le public déjà de personnes que tu peux rencontrer autour de toi, oui. Ben la plupart du temps ce sont des Français et puis ils ont envie de comprendre, comme tu disais, les paroles. Et forcément, mais par contre, le français c'est un peu compliqué parce que l'anglais on peut dire un peu ce qu'on veut, ce qu'on veut, les gens n'écoutent pas forcément parce que c'est la sonorité finalement, c'est la musicalité de la langue. Le français, on fait plus attention aux mots, je pense, hein, et c'est peut-être plus difficile à dire les choses. C'est compliqué. Et puis c'est vrai que quand on écrit en anglais, finalement, quand on essaie de traduire l'anglais, c'est très basique, très simple au niveau des mots finalement. Mmh. Alors que le français, c'est beaucoup plus complexe. Et si on devait traduire mot pour mot en français certains textes en anglais, on dirait ah oui bon. Non, en français, ça nécessite quand même. C'est un exercice de style. Et oui, il faut essayer de proposer quelque chose de pertinent. Donc c'est vraiment pas simple d'écrire en français. Hein. Mmh. Mais tu le fais très bien et les deux langues sonnent super bien, donc avec ta voix. Et on voit aussi cette ambiance. Tout à l'heure tu nous parlais de jazz, il y a ce petit côté un petit peu rétro, comme on disait aussi, qu'on retrouve dans les clips, ce côté un petit peu jazzy, hein. On voit les instruments. Comment tu te classes? Tu parlais de soul, pour la voix peut-être? Oui, et soul, etc. En fait, au niveau de mon univers, je dirais que c'est soul, pop, jazzy, voilà. Un peu de groove, quoi. Voilà, c'est vraiment cet univers-là qui me définit. D'accord, donc c'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu aimes et oui. T'as envie de... Et en plus, des artistes, j'en ai reçu beaucoup, de plein de styles différents, mais toi, tu as vraiment ta particularité, t'as vraiment ton essence. Donc, quand on écoute, par exemple, moi, je vais écouter, je connais trois morceaux, j'en écouterai peut-être un quatrième, je reconnaîtrai que c'est toi. Voilà, il y a ta patte, quoi. Il y a un univers, oui. Il y a un univers, voilà. Donc... tu as parlé tout à l'heure de jazz et on retrouve la soul, un petit peu de pop, parce que c'est quand même, on est quand même en 2023. Oui, naphtaline non plus, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là quand même, retour en arrière, les années 70 peut-être. Oui, il y a il y a un retour au niveau du son, puis comme je disais, de l'image, c'est-à-dire que voilà, il y a un côté rétro chic. J'essaie de proposer quelque chose de pertinent avec une élégance et une classe, Pas une élégance à la française non plus, mais bon. Oui, mais il y a ce côté-là, oui. Je pense aussi, hein, c'est vrai que après il y a aussi la française. C'est vrai que la réputation de la France, c'est quand même aussi la mode, les grands couturiers, le chic à la française. Hein, c'est là où je vais rebondir là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais ado, je rêvais de devenir styliste, faire de la haute couture. Ouais, il y a un ou deux ans, c'est ça. Voilà, tout à fait, mais oui, voyons, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, j'ambitionnais de faire du stylisme et de la haute couture. Malheureusement, pour des questions de moyens, j'ai pas pu, parce que j'étais prise en plus à la Chambre syndicale de la couture, qui est la référence mondiale, en fait. Ah ouais. Malheureusement, bon voilà, pour des histoires de coûts, j'ai pas pu, et je me suis orientée vers le design, mobilier, luminaire, art de la table. Donc c'est des études en 5 ans, donc en fait c'est un master en design, on va dire, l'équivalent. Mais la musique a toujours été omniprésente dans ma vie, et puis bon, j'avais mis un peu de côté, j'y suis revenue vraiment, En musique, est-ce que tu, parallèlement, tu apprenais aussi la musique, est-ce que tu as fait des cours? Alors j'ai suivi des cours avec un coach personnel pour tout ce qui est placement de voix, pour justement apprendre à ne pas s'abîmer les cordes vocales. Oui. À respirer correctement, économiser son souffle, tenir sur la durée, voilà. Donc oui, effectivement, j'ai suivi une formation parce que c'est, avec un professeur. C'est tout un travail, on n'imagine pas. On dit des gens, ils ont une voix, ça semble naturel. En vérité, c'est travailler aussi. Oui. Hein. Parce que il y a des gens qui ont des très belles voix, mais ils s'essoufflent très vite, hein, comme tu dis. Donc ils vont faire un concert, par exemple, au bout de la première, deuxième chanson, au bout d'un moment, il n'y a plus de souffle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su maîtriser un peu il faut s'économiser. C'est comme si on fait un marathon, hein, si on court à la vitesse d'un sprint, au bout d'un moment, on ne tiendra pas longtemps. Donc il y a des manières d'apprendre à respirer, etc. Donc il y a des personnes qui forment les chanteurs pour justement savoir gérer exactement leur voix. Oui. Et puis après, tu as travaillé aussi sur Bon, je pense que les gens qui chantent comme toi, je pense que c'est déjà inné. Tu es quand même quelque chose au départ. Et après, beaucoup de travail aussi. Il y a du travail, oui, effectivement. Travail. Oui, mais oui. Il y a des gens qui peuvent travailler tout le temps, ils arriveront jamais. Je pense qu'au départ, il faut déjà être un petit peu doué quand même. Ouais, mais je sais pas, j'imagine. C'est vrai qu'on n'est jamais objectif avec soi-même, mais c'est vrai que j'avais une base. J'ai un papa, en fait, qui a fait de l'opéra. Voilà. Qui a fait le conservatoire. Déjà... qui était baryton Martin. Et donc, il y avait vraiment une très, très, très belle voix. Lui, forcément, c'était du classique puisque c'était de l'opéra, mais il y avait des bases. Voilà, effectivement. Et puis, il y a autre chose que j'essaie d'analyser. Moi, c'est vrai que moi, j'ai pas été formé pour ça. Et j'aime la musique. Moi, c'est avec mon cœur. C'est-à-dire que j'ai pas du tout, je regarde pas du tout le côté technique. Moi, les notes, tout ça, c'est du charabia pour moi. Moi, c'est avec l'émotion que. Et c'est vrai que des fois, j'essaie d'analyser en me disant, voilà, comment on fait pour obtenir les choses. Et donc, c'est déjà, je pense qu'il y a des gens qui sont doués. Il y a des gens qui chantent juste naturellement, d'autres qui sont obligés de travailler pour chanter juste. Donc, oui. Il y en a certains qui, même en travaillant, ils n'y arriveront jamais. Et puis après, il y a aussi des gens qui chantent juste, ils chantent dans le ton, tout va bien, mais il y a aussi le timbre. Et comme, moi, je vois la signature vocale. Il y a certaines personnes qui, rien que, hop, il y a une note et ils ont dit, ouf. Déjà, hop, voilà, c'est. Mais je pense que ça, après, c'est naturel. C'est quelque chose qui est en soi. C'est dans les gènes. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais effectivement, il y a quand même une part. Il y a des gens qui pourront travailler tout le temps, même s'ils sont justes, même s'ils sont au tempo et tout ça. Il manquera quelque chose. Et d'autres, des fois, qui sont peut-être pas parfaits, mais ils ont un timbre qui est magique, quoi. Et des fois, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à des enregistrements. D'ailleurs, on avait enregistré dans un studio professionnel. La chanson Mavrika avec beaucoup d'artistes qui étaient passés dans mon émission. Alors des gens qui venaient de tous les styles musicaux. Hein. Il y avait des gens qui venaient du punk, du rock, de le. On a mélangé vraiment parce qu'il y a des chansons françaises et on les a tous fait chanter. Et effectivement, il y en a eu un qui s'était dès qu'il prenait le micro, ouf, on avait, c'était Mansoul. Il avait une voix, il a toujours une voix. Bon, je vois plus dernièrement, mais magique. Hein. Il prenait le micro, il commençait, il montait dans les aigus, les graves. Waouh, il y avait une. Ah, il y a des voix comme ça. Ouais, c'est qui comme vous ça, pénètre. Magique. Hein. Oui. Voilà, donc c'est et je pense que bon, toi, tu as ton timbre à toi qui est bien, qui va bien avec le style de musique que tu interprètes, et puis. Donc c'est bien, il faut conserver ce truc-là et continuer dans cette direction. Très bien. Tu as parlé tout à l'heure que tu as enregistré un album. Donc c'est un album, un vrai album avec combien de chansons dedans? Ah bah écoutez, alors là, je ne peux pas trop dire pour l'instant, voilà. Je ne vais pas encore dévoiler tout, mais oui, voilà, c'est un album, c'est un format album. Oui, album, c'est pas un EP, c'est un album. D'accord, avec beaucoup de chansons. Il y a encore beaucoup de travail dessus. Oui, il y a encore du travail, oui. Toutes les chansons sont déjà sélectionnées. Il y en a certaines, oui, il y en a d'autres qui sont encore en travail. Oui, ça se fait au fur et à mesure alors. C'est ça. Très bien, donc il est un peu tôt pour l'annoncer. Là, pour l'instant, on n'a pas de date officielle de sortie. Mais tu viendras pour le présenter volontiers. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc tu es en train de travailler et tu travailles avec des musiciens différents. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Il y en a un qui était là il y a quelques temps qui m'avait dit qu'il avait travaillé avec toi. C'était le contrebassiste de Jesus Westkay. Oui, voilà. D'accord, oui. Mais après, il y a d'autres. Enfin, c'est assez large. Je peux pas citer tous les musiciens qui sont dessus. Oui, non, mais certains, qu'on pourrait reconnaître. Voilà, il faut savoir que parmi les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, dans l'émission Mavrika, beaucoup sont des artistes eux-mêmes. Donc, je peux me vanter d'avoir les plus grands artistes de la région qui écoutent l'émission Mavrika. Donc, voilà, il y a des gens, des noms qui reviennent et des fois, ah oui, je connais. Voilà, c'est donc et c'est bien de citer aussi des gens parce que franchement. Il y a toi, c'est Elsia, c'est ton nom qu'on met en valeur, mais derrière il y a aussi tous les gens qui t'accompagnent et c'est bien de parler justement. Là en fait, il y a vraiment la personne avec laquelle je travaille le plus, c'est Vincent Carlier, donc qui lui travaille notamment en parallèle avec. Alors il a son studio d'enregistrement, il est multi-instrumentiste et il travaille également avec le gros studio d'enregistrement qui est basé en Belgique et donc de ce fait. Voilà, je travaille beaucoup avec lui sur les arrangements. Après, on va faire appel. Enfin, on a déjà fait appel, mais on va continuer à faire appel à des musiciens extérieurs pour les différents morceaux à venir. Et puis, en parallèle de cela, j'ai également, je travaille en contact avec un artiste, auteur-compositeur-interprète français mais qui est basé en Allemagne, qui s'appelle Nakidim, et qui lui va sortir prochainement son EP au mois de février. Donc voilà, c'est deux univers différents mais qui vont se rejoindre au profit de cet album à venir. Voilà, donc d'accord, bah écoute, tu commences à nous révéler de plus en plus de choses, on a envie de l'écouter cet album. Donc là on a encore deux morceaux à toi à découvrir et on va aussi découvrir certains artistes. Voilà, tu nous as fait une playlist ce soir et justement tu nous parles de Nakidim. Voilà, et Nakidim. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu plus parce qu'on va l'écouter juste après. Donc c'est un artiste qui était signé chez Naïve à une période et qui est donc basé, comme je disais, en Allemagne. Il a son propre studio d'enregistrement et il travaille en collaboration avec des artistes internationaux et il fait aussi des bandes son pour des publicités. Donc dernièrement il a remporté justement un projet qui était autour d'un projet de cosmétique et donc prochainement si on va sur internet ou voir à la télévision, logiquement, alors j'ai perdu le nom du créateur en l'occurrence, mais bon, c'est une marque très connue et en quatre lettres, c'est ça. Non, c'est une femme, mais bon, d'accord, voilà, bref, ça me reviendra. Voilà. En tout cas, voilà, il a remporté, ce marché et Nakidim, oui, c'est un artiste très talentueux qui connaît différents univers, donc il peut à la fois produire de l'électro comme de la soul. Enfin, voilà, il a une palette artistique très large. Niveau de la composition. Alors le morceau que tu nous proposes d'écouter s'appelle London Streets. London Streets, donc les rues de Londres. C'est et ça. Pour un artiste qui est français qui vit à Berlin. Voilà. À côté de Berlin, oui. À côté de Berlin. Voilà, on écoute tout de suite donc Nakidim. Searching for love among Voilà, c'était donc Naki Dim avec London Streets. Voilà, super découverte. Hein. Le son est super agréable, la voix est super agréable, le son aussi. Et c'est vrai que hors antenne, on discutait un petit peu. Moi, je t'ai dit, voilà, spontanément, ça me rappelle un peu Seal. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là. Et tu m'as dit oui, effectivement. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de sensualité dans sa voix. Mm-hmm. C'est un mélange de Marvin Gaye et de Seal. Hein. Oui, complètement. Bravo. Superbe découverte ce soir dans l'émission Mavrika. Donc Naki Dim, un artiste français qui vit près de Berlin. Voilà. Avec un EP à venir, donc à découvrir. Très bien. Donc s'il passe un jour dans la région, on le recevra avec plaisir en tout cas. Mais bon, c'est vrai qu'on découvre ce morceau ce soir et on en a encore plein d'autres à découvrir puisque tu as plein d'artistes que tu suis, que les gens n'écoutent pas forcément dans les autres radios. Donc Radio Arc-en-Ciel est là pour ça, pour faire justement découvrir d'autres artistes, hein, pas forcément ceux qu'on matraque à longueur de journée. Voilà. Oui. Qui sont pas forcément les meilleurs, mais bon, ils ont du monde derrière eux qui fait qu'on les diffuse sans arrêt. Et alors qu'il y a d'énormes artistes aussi qui sont un peu moins connus, qui ont tout autant de talent, sinon plus même certaines fois. Très bien. D'autres choses à rajouter sur cet artiste-là? Non, si ce n'est que voilà, son EP va sortir. Il va sortir et voilà. Donc il y aura une participation dans ton futur album. Voilà. Tout à fait. Voilà, ça c'est ça qui est, c'est ce qui est important. D'autres artistes aussi que tu as envie de nous présenter? Alors Céleste, c'est une artiste qui fait de la soul, qui fait également un peu de R&B et de jazz. J'adore sa voix, elle a vraiment une signature vocale, on en parlait tout à l'heure. Elle a à la fois de la puissance, elle a un timbre très chaud, et en même temps il y a une sorte de fragilité dans sa voix, donc c'est vraiment un mélange de tout. Elle est auteure, compositrice, interprète britannique. Elle a été nommée artiste de percée numéro 1 pour 2020. Selon le sondage annuel de la BBC, donc vraiment à découvrir. Mmh. Elle a un groove, elle a une énergie. Vraiment, j'invite les auditeurs à découvrir son univers. Céleste avec Stop This Flame. Mmh. Faut mettre le feu, quoi. Allons-y. Allons-y. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. superbe morceau et superbe voix. Hein. Ah, franchement, oui. Là, on parlait tout à l'heure justement des timbres de voix comme ça. Il y en a certains qui nous en voûtent tout de suite. Hein. Et là, c'est un morceau effectivement que quand je l'ai écouté, bon, tu m'as envoyé toute la playlist. J'ai cherché les morceaux, j'ai écouté et puis je dis mais je connais ce morceau-là. Il a été mixé, remixé, ça. Hein. Ah, ça, oui, c'est oui, un oui, morceau oui. quand même qui avec une voix comme ça, forcément, on a envie de faire durer un peu plus le plaisir. Et en plus, c'est entraînant, c'est tout ce qu'il faut. Ça, quoi. Ouais, non, c'est une grande artiste, vraiment. Très bien, bah, super. En tout cas, voilà. Parce qu'il y a des morceaux comme ça qu'on écoute des fois à la radio, ça passe et puis on retient pas forcément. Et c'est bien aussi de le rappeler et puis de citer leur nom. Comme ça, maintenant, on peut mettre un nom sur cette belle voix. Voilà, voilà Céleste. Céleste. Voilà, en plus, un très beau prénom aussi. Oui. Je sais pas si c'est son vrai prénom ou c'est le... Je crois, il me semble que ça doit être son vrai prénom. Hein. C'est possible, très bien. Donc voilà, deuxième découverte, et puis tu nous en as amené plusieurs comme ça. Oui. Donc on va continuer à discuter ou tu veux parler d'autre chose? Ah ben non, mais moi je suis là. On y va, voilà. Non, parce qu'on passe la soirée ensemble. Bah justement, on a 3 heures à passer ensemble, donc on est ensemble jusqu'à 22h. Oui. Et puis après, on va dépasser un petit peu, c'est-à-dire qu'on va rendre l'antenne, mais il y aura des photos, hein, comme on a l'habitude de le faire dans l'émission Mavrika. Et puis donc après, on les partage. Dans le cours de la semaine sur les réseaux sociaux et puis après les photos tu les partages comme tu veux, ça sera toujours des souvenirs et ça fait toujours plaisir. Moi j'en ai des tonnes, des photos, j'en ai beaucoup, je suis un passionné de photos aussi. J'adore l'image aussi, tu vois, comme quoi c'est lié. Quand j'étais enfant, j'étais doué pour le dessin et tout ça, et finalement après peut-être j'ai pas eu le temps, donc je me suis orienté plus vers la photo et donc, mais l'image est très importante, hein. C'est vrai que donc c'est pour ça que je suis sensible à justement ton travail. Voilà. Donc la musique, l'image, et donc ce soir on découvre l'artiste Elsia. Oui. Donc voilà, Elsia c'est ton nom de chanteuse. Oui. Et tu t'appelles Elsa en tant qu'artiste peintre, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Mon vrai prénom c'est Elsa. Mais, étant donné mais, que... Mais c'était déjà pris. Oui, il y en a. Au niveau de la chanson, il y en a pas mal, il y en a une qu'on connaît. Et Elsia, c'est un prénom qui existe, un vieux prénom, mais qui est très peu porté. Donc, je me suis naturellement orientée vers ce prénom, assez proche de mon prénom de naissance, quoi. Donc, voilà. Et en plus, quand on tape sur Internet, tout à l'heure, j'ai été chercher les morceaux, on tape Elsia et on tombe rapidement sur toi. Hein, donc voilà. C'est très bien. Parce qu'il y a des fois, le souci, c'est justement quand il y a des noms de groupes ou des choses comme ça, c'est qu'on trouve un nom, est super bien, mais on s'en rend compte qu'il y a déjà plusieurs groupes qui s'appellent comme ça. Ou alors, c'est pareil, les prénoms, ça va très vite. Elsia, donc c'est un petit peu original et ça permet de te retrouver assez rapidement. Alors, Elsia, est-ce que tu as un site Internet? Alors, j'ai une page Facebook. Une page Instagram. Voilà, c'est déjà bien, hein, ça permet de partager plein de choses, tout ça. Donc les gens peuvent te contacter, ils peuvent... alors qu'est-ce que tu postes dessus? Tes vidéos, forcément. Forcément, mon actualité automatiquement. Ton actualité, ouais. Et puis lorsque j'étais en réalisation, en tout cas en préparatif de clip, surtout pour Paranoid, étant donné que j'ai réalisé tous les accessoires et les costumes, je postais régulièrement des photos de l'évolution sans dévoiler la totalité. J'ai eu des clairs-obscurs, enfin voilà, je faisais en sorte que les gens se rendent compte que je travaillais sur les accessoires et les tenues sans en dévoiler la totalité. D'accord. Donc ça a été après, c'était la découverte lors du visionnage du clip. Voilà. Mm-hmm. Ouais, comme ça tu ménages un petit peu le suspense, comme ça les gens ils voient mais pas complètement, donc ils ont envie d'aller plus loin. J'implique les followers, ils se baignent dans mon univers, je les implique vraiment sur l'évolution du clip, mais sans trop en dévoiler. Et ce que j'aime bien aussi, tu m'as parlé tout à l'heure des costumes, des décors et tout ça. C'est vrai que ça fait partie des choses dans une image. C'est composé de plein de choses différentes. Et il y a aussi des costumes qui me rappellent un peu les années 70. Donc, comment elle s'appelait là, dans Chapelon et Meubles de cuir. Tout à fait. Alors, effectivement, en fait, pour Paranoid, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'idée était d'avoir un clip très graphique. En noir et blanc. Oui. Et il y a de ce fait des références à cette période-là, donc Chapeau Melon Botte de Cuir, Le Prisonnier, la série Le Prisonnier, oui, aussi, ouais. Orange Mécanique, ouais. Bien sûr, et puis des petits clins d'œil aussi au Bauhaus, donc voilà, tout ça a fait un mix, un univers très particulier. Paranoid, c'est un... En fait, j'aborde un thème, alors je sais pas si c'est maintenant qu'on aborde le thème ou pas, mais... Oui, on peut en parler, on l'écoutera tout à l'heure, ou tout comme à tu fait. Veux. Hein, mais voilà. Donc en fait, Paranoid, ça touche un univers particulier parce que ça touche certes à la folie, puisqu'on parle de la paranoïa, qui est quand même un thème assez lourd, mais je voulais l'aborder de façon ludique, à la fois dans la musique et pour le traitement des images. Donc, il est vrai qu'il y avait deux sujets plus ou moins abordés par rapport à la paranoïa, puisqu'on sortait du premier confinement, et là, les gens avaient un peu basculé vers une sorte de paranoïa, ils n'avaient plus de repères, ils étaient un peu perdus, mais il y avait aussi le fait que là, ça me touchait plus directement, parce que j'ai un de mes proches qui est malheureusement atteint de cette maladie, et donc, je sais ce que c'est que l'ambiance des hôpitaux psy, et j'avais envie de mettre ça sur papier et puis de le chanter. Donc, en écrivant cette chanson et en travaillant ce thème, j'avais des flashs, la chambre capitonnée, ce genre de choses-là. Vraiment, c'est un sujet lourd, mais j'avais pas envie de faire quelque chose qui plombe l'auditeur ou quoi. J'avais plutôt envie de sensibiliser les gens aux maladies mentales quelque part. Et leur faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de la différence. Donc, en abordant la paranoïa sous cet angle-là, bah, c'était adoucir un peu les choses et puis les sensibiliser, quoi. Donc, parce que c'est vrai que une personne qui est atteinte de maladie mentale, elle est dépossédée de son être. Et donc, bon, voilà, la personne perd peu à peu son identité première. Et il faut vivre avec, il faut apprendre à apprivoiser, en fait, ce changement de personnalité. Et il faut rester bienveillant. Donc, paranoïde, bon, effectivement, au niveau des sonorités, c'est très ludique, c'est un peu farfelu. Il y a une intervention de flûte traversière dans le morceau. Et puis, pour ce qui est du traitement du clip, là, c'est traité en noir et blanc. Alors là encore, j'ai travaillé avec Factum. Au niveau du storyboard, c'est comme si on rentrait dans la tête du patient. On est face à une porte avec un Judas, et là, tac, on plonge vraiment dans la tête du patient, et on découvre différents personnages un peu farfelus, mais vraiment l'idée, c'était de traiter ça de manière originale et ludique. Voilà, donc en souhaitant que les gens l'aient perçu comme ça. En tout cas, j'avais eu un commentaire d'une internaute qui était atteinte de cette maladie et qui m'avait dit merci infiniment pour ce que vous venez de nous produire, enfin de produire en tout cas, parce que je m'identifie dedans et waouh, ça fait du bien, quoi. Donc là, quand on a ce genre de retour, c'est positif. Venant de personnes qui sont concernées, effectivement, ouais, voilà. Je comprends tout à fait. Donc c'est vrai que le morceau est sorti à une période où, c'est ça, on sortait du confinement, on était tous un peu parano. Oui, parce qu'on dit temps, parano, voilà, c'est tout le monde l'est un petit peu. Oui, voilà. Oui, oui. Mais après, il y a des degrés où les gens n'arrivent plus du tout à se contrôler. Et là, après, ça devient une maladie, parce que qu'on soit parano, qu'on ait peur de certaines choses, c'est tout à fait normal. Oui. Mais jusqu'à un certain degré. On doit être capable de gérer normalement nos émotions. Et au bout d'un moment, ça nous échappe complètement. Les gens qui ont ce genre de choses-là, parce qu'il y a plusieurs maladies, on parle de parano, mais les maladies mentales, il y en a beaucoup comme ça. Bien sûr. C'est que les personnes autour ne comprennent pas. Non. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. De toute façon, c'est simple, on ne peut pas comprendre ce que vit quelqu'un dans sa tête. Donc c'est quelque chose, il faut des fois être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus à l'écoute. Exactement. Parce que le fait de dire écoute, c'est complètement dingue ce que tu vis, secoue-toi un petit peu, ça va aller mieux, etc., ça marche pas. Donc il faut essayer de les accompagner, essayer de les comprendre. Il faut comprendre leur fragilité. Il faut comprendre, ouais, voilà. Et puis surtout les aider, pas avoir justement peur de la différence et aller vers eux, quoi. Voilà. Tout à fait. Donc moi je pense que c'est bien que forcément toi tu as compris quelque chose, et cette personne qui avait justement ce syndrome était contente que tu l'aies compris, toi. Oui, tout à fait. Parce que forcément, ils sont incompris. C'est contre ça qu'ils luttent souvent. Hein. Voilà. Très bien. Bon, on va écouter le morceau peut-être. Alors, allons-y justement, pour Paranoïde. On avait prévu de passer à autre chose. Mais voilà, dans le fil de la conversation, on est arrivé à Paranoïde et on va écouter donc ce morceau sur la paranoïa. Tout à fait. Langage arsenical, vocal du capitaine, wow, vacille la raison en la soutenant du manche, les deux mains sur les hanches. Où est passé ton ego? Il n'y a plus de qu'on a écouté le deuxième morceau qu'on devait découvrir dans cette émission. Voilà, donc c'est les Paranoïdes. Oui. Paranoïdes, on va dire. Parce que je le dis en français avec l'accent français. Hein, donc, moi j'ai un accent anglais, on me dit souvent du côté de Munich. Tu vois, ah, d'accord. Non, effectivement. J'ai appris l'anglais à l'école, mais j'ai jamais vraiment pratiqué. Mais bon, j'arrive à comprendre un petit peu quand même. J'arrive à comprendre, mais les Anglais sont vraiment... Ils font pas l'effort de me comprendre à moi. C'est ça quoi. C'est-à-dire quand je parle anglais, ils me comprennent pas forcément. Non, je plaisante. Quand ils veulent, ils comprennent. Voilà, donc on a écouté ce morceau et justement on va parler aussi d'une autre personne. Oui, alors justement. Ah oui, alors. Sur Paranoid, enfin pour ce projet, en tout cas. Alors d'une part, j'avais Factum qui m'a suivi, les producteurs du clip, hein, qui m'a, voilà, toute cette équipe m'a suivi sur ce projet. On a vraiment travailler main dans la main, mais il y avait également une artiste que j'apprécie beaucoup, qui est danseuse et chorégraphe, qui s'appelle Yasmina Prolik, qui est danseuse, qui a une carrière au niveau international, et donc elle était de l'aventure pour la création des différents personnages que l'on voit intervenir dans le clip, à la fois le clown, le diable. Enfin voilà, vraiment on a passé des après-midi entiers à travailler sur les différentes postures, les intentions. Et puis bon, bien sûr, il a fallu ajuster les costumes à sa taille. Effectivement, et en plus là, sur mesure. On parle encore d'autres arts, hein, donc la danse elle-même, oui, hein, donc oui, la chorégraphie la et tout ça. Oui, oui. Je pense que ça fait partie de, parce qu'il y a les gens, il y a des gens des fois qui sont beaux et tout ça, mais la manière de bouger, ça amène une beauté en plus quoi. C'est ça. Il y a oui. des gens des fois ils sont pas forcément le charme vient aussi du déplacement, les mouvements, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. C'est compliqué dans la tête des gens. Hein. Donc quand on analyse, on se dit, voilà, cette personne-là n'est pas forcément... Mais elle a quelque chose de plus. Et inversement, il y a une personne qui peut être très belle tout ça, mais elle bouge pas, donc finalement, ça la rend terne. Voilà, c'est je ça. Pense que c'est un ensemble, hein, c'est ce qui fait la personnalité. Oui, et puis après, au niveau de la danse, on peut exprimer, tout comme dans la musique ou la peinture, enfin voilà, on peut exprimer la colère, la rage, la douceur, l'amour, enfin, en fonction de la posture, c'est très ciselé, c'est très précis. Ça nécessite énormément d'exigence, hein, de toute façon. Et là, de ce fait, on a énormément travaillé là-dessus avec Yasmina. Hein. Vraiment, ça a été une très belle collaboration. Et si un jour j'ai encore la chance de pouvoir travailler avec elle, ce sera avec grand, grand plaisir. Peut-être dans un prochain clip. Peut-être. Peut-être. Très bien. Ou alors, tu enregistres des morceaux, tu fais des clips vidéo. Est-ce que tu te produis aussi en public? Alors en ce moment non, ça va venir. Voilà, ça viendra. Mais peut-être justement avoir la présence d'une danseuse. Alors, on avait évoqué la chose avec Yasmina. Bon, alors c'est vrai qu'elle n'est plus sur Orléans, donc maintenant géographiquement on est un peu éloigné, mais c'était un projet qu'on avait ensemble de pouvoir créer un spectacle autour de mon univers, et puis elle aurait interprété les différents intervenants en fonction des émotions. Enfin voilà, on était dans ce projet-là une période. Ça se fera peut-être dans un futur, à voir quoi. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir, après c'est une question de budget, mais j'aimerais pouvoir mêler à la fois danse et visuel en background pour de mes créations en réalité, vraiment créer des sons et lumières. Bon, ça viendra peut-être. Un grand spectacle. C'est-à-dire, je fourmille souvent beaucoup d'idées. Enfin, j'ai beaucoup d'idées. Ouais. Après, c'est une question de moyens. Oui, et après, il faut les réaliser. C'est beaucoup de travail. C'est on n'imagine pas. Parce que, bon, dans la tête, on voit les choses. Ah, je les vois comme ça, tout ça. Mais quand on commence à les mettre en pratique et essayer de réaliser ça, on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Hein. Donc, il y a déjà le facteur humain. Donc, la rencontre de personnes, trouver les bonnes personnes, travailler ensemble, obtenir ce qu'on veut. Après, les disponibilités, le côté géographique aussi, voilà, c'est pas possible. Donc, réaliser un spectacle, c'est quand même... Je crois que chaque spectacle qui est réalisé, même des artistes qui font des tournées dans toute la France, à chaque spectacle, c'est différent. C'est carrément, c'est une nouvelle aventure. Ça se passe jamais comme on l'a prévu à l'origine. Même si on a travaillé pour le faire d'une certaine manière, il y a toujours quelque chose qui fait que un spectacle est mieux à un endroit qu'un autre. Et voilà, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Mais tout dépend comment après c'est perçu par le public. Aussi, ouais, parce que le public participe beaucoup, hein, dans les spectacles, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que si on a une salle qui est vide, ben ça donne moins la pêche que quand il y a une salle qui... Voilà. Mais j'ai dit souvent ici dans l'émission, moi j'ai eu la chance de voir des artistes, même des artistes un artiste international qui était venu faire une tournée dans toute l'Europe, hein, et qui s'était arrêté à Orléans. Et malheureusement, le jour où il est venu à Orléans, il était dans une salle et il y avait lui, il y avait moi. Ah bon? Oh là là. Non, mais, wow. Mais c'est là que moi, franchement, je lui tire mon chapeau parce qu'il a fait son concert comme s'il y avait du monde. Uniquement pour moi. Donc moi, en plus, j'avais la chance d'avoir mon appareil photo, donc j'ai pu le photographier vraiment très très très près et tout ça. Donc c'était vraiment plus qu'intime. Hein. C'était quelque chose. C'est difficile. Et après, j'ai vu. Bon, parce que moi, je me dis mince, je suis seul à être venu le voir, quoi. Et j'ai dit mais c'est incroyable. Et il a fait son concert parce que des fois, il dit bon, il y a une seule personne, deux, allez, bon, on annule et puis c'est tout. Hein. Et il a fait son concert et après, j'ai suivi. Je me suis dit non, mais attends, avec le talent qu'il a et tout ça. J'ai suivi ses concerts. Le lendemain, il les faisait salle comble ailleurs. C'était peut-être un problème de com, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, bon, il a peut-être pas son public ici à Orléans, mais il en avait ailleurs. C'était un artiste londonien. D'accord. Mais moi, j'ai dit, je tire le chapeau parce que le gars, il a fait son concert. Et voilà, comme si, pour moi, à la limite, ça a été une répétition, quoi, finalement. Ah, ouais. Mais il a quand même été jusqu'au bout de son concert. Et puis, à la fin, donc, je lui ai pris son CD, il me l'a signé, mais il m'avait mis en anglais. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Ah. Bah oui. Non, mais franchement, je ne me souviens plus de son nom, mais ça ne me revient pas là tout de suite. Mais en tout cas, c'était un grand artiste. Hein. C'est vraiment le côté. Ça me rappelle encore une autre chose. Une fois, j'avais aussi un groupe que j'avais reçu dans les premières années de l'émission Mavrika, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Et justement, ils étaient quatre. Et un jour, il y avait un concert de programmé. Et le groupe n'a pas pu venir à cause de la neige. Il y avait la neige partout, donc ils n'ont pas pu venir. Et il y a eu le chanteur-guitariste qui a fait le concert tout seul. Wow. Mmh. Et là, j'ai dit, oui, c'est sûr, il n'y avait pas la batterie. Mais le gars, il s'était dépassé. Parce que quand on s'accompagne à la guitare, il ne peut pas faire à la fois le solo, le rythmique et tout ça. Et donc, il avait une guitare et une voix et il a assuré... comme un malade. Et ça, j'ai trouvé, c'est là qu'on voit les vrais artistes aussi. Hein. Oui. Voilà. Les gens qui sont capables de s'adapter, même dans les pires conditions. Il y en a beaucoup qui auraient jeté l'éponge et d'autres disent non, non, je suis là et je le fais parce que j'ai un public et il est là et je dois le contenter au maximum. Quoi. Mmh. Et ça, chapeau en tout cas. Voilà, donc c'est des histoires comme ça qui restent. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'artistes. Il y a plein de petites histoires comme ça. Et je me dis, voilà, c'est des choses que j'ai vécues que j'aurais pas pu inventer parce que finalement, ça fait partie de l'histoire et ça restera comme ça. Quoi. Et les petites anecdotes sont toujours bonnes à raconter. Oui, au final, c'est des instants magiques. C'est des instants magiques. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que des fois, on parlait tout à l'heure de résilience, c'est justement ça. Voilà, on a tout pour que ça ne marche pas et ils le font fonctionner quand même. Et ça, c'est formidable. Quoi. La magie de la musique et des artistes. Oui. Voilà, c'est la passion aussi, hein, oui, je pense, qui les motive. Très bien. Non, donc c'était bien de parler de tous ces gens. Donc tu as fait beaucoup de rencontres au cours de ta carrière, hein, parce que tu chantes depuis combien de temps? Je sais même plus. Depuis toute petite, je suppose. Alors, mais bon. Oui, mais après j'ai fait des pauses aussi. Là, en fait, ça doit faire depuis 2018 que je me suis remise vraiment à la musique. Après, le projet évolue, donc il y a des moments où il y a plus ou moins des retards, forcément. Le confinement, enfin l'épisode de Covid a été un peu compliqué. Ouais. Donc forcément, j'ai pris du retard sur mon projet, mais voilà, je lâche rien. Et puis, je suis impatiente de pouvoir monter sur scène et proposer au public, parce que proposer, c'est s'exposer, donc... C'est pas toujours évident, on est toujours un peu fébrile. Hein. Moi, j'imagine, c'est vrai que. Mais j'essaie en tout cas de donner des choses, proposer quelque chose de différent, et vraiment d'embarquer les gens dans mon univers, et voilà, les faire voyager. Comme tout artiste de toute façon, mais voilà. C'est vrai que la musique, moi je vois ça souvent comme ça, c'est drôle. Hein. Moi je dis souvent, même des fois je fais des émissions dans lesquelles on voyage dans plusieurs univers, parce que c'est un voyage finalement la musique aussi. Tu aimes voyager toi-même, non? Oui, j'adore, mais après c'est une question de moyens. Ouais. Non, parce qu'après il y a le voyage dans la musique, mais bon, il y en a certains qui aiment bien aussi aller loin, découvrir des choses différentes, et chaque voyage justement on s'enrichit aussi parce qu'on voit des gens qui pensent pas du tout pareil oui, que nous. Oui, des cultures différentes. Des cultures différentes, des manières de vivre différentes. Le climat est différent, les paysages, on voit le... Moi, j'aime bien regarder simplement la terre. On s'aperçoit qu'il y a des endroits, la terre, elle est rouge, c'est de l'argile. D'autres, c'est du granit. D'autres, et donc, à chaque endroit, il y a des minéraux différents, des végétations différentes, des climats différents. Et donc, voilà, le voyage. Et dans la musique, on peut aussi s'évader. Hein. On met un casque sur la tête et on peut partir. Exactement. Aussi faire un très grand voyage avec des rythmes différents. Mm. Très bien. Donc, tu as eu l'occasion de voyager dans beaucoup de pays, non, alors? Je suis allée un peu en Écosse, en Italie aussi. J'ai des racines italiennes un peu lointaines. Mm. Mais oui, l'Italie, j'adore l'Italie. Ça foisonne. C'est un pays qui foisonne au niveau artistique. Ah oui, oui. Donc, vraiment, si j'ai l'occasion d'y retourner, ce sera avec grand, grand plaisir. Je suis allée également en Mauritanie. D'accord. Voilà. Après, j'aimerais voyager plus loin, affaire à suivre. Je verrai où la vie me conduit. Effectivement, des fois, il y a des périodes de la vie où on voyage, d'autres où on est plus à la maison. Et on a toujours des envies, quoi. On a toujours, quand on finit de faire un voyage, on se dit quel sera le prochain? Et là, avec le Covid, ça nous a un peu plombé aussi, donc forcément. Oui, ça n'a pas été simple. Pour très personne. Bien. Très bien. On va parler de l'artiste suivant, celui que tu vas nous proposer maintenant. Ah oui, alors Grégory Porter. Mmh. Alors cet artiste, je l'adore. C'est une voix de velours. Il a un coffre extraordinaire quand il chante et quand il arrive sur scène, parce que j'ai eu la chance de le voir deux fois sur scène. La première fois au Théâtre d'Orléans, la deuxième à l'Olympia. Il irradie, il rayonne, il y a quelque chose vraiment au niveau énergétique, il en impose quand il arrive sur scène et dès qu'il ouvre la bouche, on a les poils qui se hérissent, vraiment c'est extraordinaire. Alors c'est un artiste, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur, compositeur, interprète américain qui est aussi acteur puisqu'il a joué à Broadway dans des comédies musicales. Et puis, il propose du jazz, du blues, de la soul, du gospel à la base, mais il a tendance à aller un petit peu plus vers la house maintenant et puis un petit peu aussi la pop. Donc là, le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Dry Bones. Et il a, en 2013, remporté avec son troisième album Liquid Spirit. C'est comme ça que je l'ai découvert. Il a remporté le Grammy Award du meilleur album de jazz vocal. Donc je vous invite vraiment à écouter cette voix extraordinaire de Grégory Porter avec Dry Bones. I won't die, won't bury, won't sink, 'cause love is the spirit I drink. I'll be free in the morning light, 'cause your touch is the medicine of life. There's a dance to this beat, a shake, every move fills my body awake. There's a sound, you and me are one, and the home is the rhythm I've drum. Is your soul in the desert? Oh, Them bones, them bones, them dry bones. Them bones, them bones, them dry. Très belle voix, hein. Ah oui. Voilà, c'est super agréable. En tout cas, on découvre plein de choses différentes. Et effectivement, c'est aussi une voix que je connais, que j'ai déjà entendue. Et comme tu me disais que c'était souvent, maintenant, il se tourne un petit peu vers l'électro. Donc, c'est aussi des voix qu'on retrouve dans certains morceaux dansants. Donc, oui, forcément, oui, tout à fait, oui. C'est remixé, c'est etc. Donc, c'est ce que j'aime bien aussi, parce que bon, on parlait tout à l'heure de musique, de style de musique. Il y a des gens qui sont vraiment enfermés dans un style de musique. Moi, je sais que j'aime bien écouter plein de choses différentes suivant l'humeur. Et il y a aussi des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique, elle est, moi je dirais qu'on dit souvent dans l'émission, il n'y a qu'une musique, c'est la manière de l'interpréter qui fait qu'elle est différente. C'est-à-dire qu'un morceau de soul, de qui peut être remixé en électro, ça devient de l'électro, mais la chanson est la même. Je cite souvent aussi, par exemple, si on prend un morceau de Georges Brassens qu'on reprend en punk, ça sera du punk, mais ça sera toujours du Georges Brassens. Voilà, donc c'est la manière d'interpréter qui fait un peu le style. On peut très bien reprendre une chanson n'importe laquelle, le Georges Brassens à la limite, et la faire en reggae, et ça sera un reggae. Voilà, c'est un peu le style, voilà, suivant l'humeur, on peut interpréter des morceaux complètement oui, différemment. Et puis suivant l'interprète aussi, il y a la sensibilité de chaque interprète. Donc un même morceau peut être interprété vraiment différemment avec des différents musiciens, etc. Très bien, donc très très bonne découverte. Alors tout à l'heure tu m'avais dit aussi le titre suivant, mais j'ai pas trouvé sur le coup, donc tu me le rappeler. Alors c'est une chanteuse, c'est Michèle David, et c'est Gonna Be Alright. C'est une chanteuse, compositrice, interprète américaine qui fait de la soul, du funk, du rhythm and blues. Et elle est accompagnée par les True Tones. C'est des musiciens qui sont venus de Hollande. Elle a une voix absolument incroyable, puissante. C'est une boule d'énergie sur scène. Elle est positive, elle est pétillante. Sa musique se nourrit, enfin, elle nourrit à la fois le cœur, elle apaise l'âme, elle diffuse un message universel d'amour et d'espoir. Ça, c'est son côté gospel. Je l'avais vue, à Orléans, à l'Astrolabe, quand elle était venue. Et vraiment, ça a été un réel plaisir de la voir sur scène avec ses musiciens extra. Vraiment, elle envoie des ondes positives. Elle est habitée complètement. Elle fait participer le public. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse écouter Gonna Be Alright. Ce ne sont que des ondes positives. On est dans quelque chose de positif ce soir, chers amis, chers auditeurs. On est toujours positif dans l'émission d'Africa. Donc, allons-y. On envoie du lourd avec Gonna Be Alright de Michèle David. Voilà, encore que des belles voix hein, dans cette émission, franchement. Et oui. En plus, c'est vrai que les gens qui viennent du gospel, souvent, c'est des superbes voix. Hein, donc là, avec le rythme, avec le et puis après, ces voix aussi, c'est vrai que ça fait évoluer la musique. Parce que bon, la musique, voilà, que la musique américaine, hein, parce qu'on peut dire qu'elle vient de là. Il y a eu le blues, il y a eu voilà toute cette évolution. Mm. Et puis après, il y a eu aussi le côté des noirs américains qui ont apporté aussi le gospel, bon voilà, on parlait du blues tout à l'heure, c'est tout un mélange hein, parce qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés au même endroit là, aux États-Unis, qui ont mélangé un petit peu tout leur style et qui ont fait quelque chose de nouveau justement. C'est le métissage des musiques. Qui est revenu après en Europe et qui a conquis le monde entier. Donc la soul, toutes les musiques dansantes qu'on a aujourd'hui, eh ben, elles viennent aussi un peu de ça. C'est bien d'en parler. Et puis il y a aussi ce côté, c'est vrai que il y a pas d'époque pour ce style de musique, parce qu'on peut très bien le placer dans les années 50, 60, 70 et aujourd'hui continue de vivre. C'est toujours d'actualité, toujours vivant. Donc voilà, encore une très belle découverte. Et il y en a encore d'autres. Hein, tu nous en as amené pas mal. Oui, donc, j'ai fait ma playlist. Bah ouais, mais c'est bien parce que justement tu en parles et c'est des gens que je connais pas forcément. Donc ça nous permet de faire découvrir à nos auditeurs des choses différentes dans l'émission Mavrica. Mais tant mieux. Voilà, il faut toujours être ouvert à écouter plein de choses différentes. Et là aujourd'hui, en plus, on est gâtés parce que le style me convient bien en tout cas. Tant mieux, c'est une musique chaude qui touche l'âme et le cœur. Donc après, tu m'as demandé aussi de caler un autre morceau. C'est un groupe français qui fait du jazz et c'est très particulier, c'est Electro Deluxe. Le morceau s'appelle All Alone, c'est un groupe donc comme je disais français mais qui mélange à la fois le jazz, la soul, la funk, le hip-hop. Le chanteur en revanche est anglais, il s'appelle James Copley. Ils sont venus à l'évêché il y a quelques années de ça. Je les avais vus en concert, ils sont formidables. Et James Copley est habité complètement, il en voit pareil. Et en 2017, ils ont été élus le groupe de l'année aux victoires de la musique du jazz. Donc vraiment, je vous invite à découvrir ce groupe pour ceux qui ne connaissent pas. C'est extra vraiment et aller découvrir leurs albums sur les plateformes de téléchargement. Bah oui, parce qu'aujourd'hui maintenant c'est souvent là qu'on découvre. C'est dématérialisé. Oui. Et heureusement grâce à Internet on peut aussi écouter plein de choses différentes. Donc par exemple ce soir on écoute dans l'émission Mavrica, les radios sont quand même là pour faire découvrir les choses. Oui. Là, ce soir tu nous fais découvrir pas mal d'artistes. Vous notez les noms, vous cherchez ça sur Internet et puis le soir même, vous pouvez les réécouter. Donc, c'est formidable. Et puis, on pourra aussi les réécouter dans le podcast de l'émission fait par notre ami Florent. Aussi, on lui fait un petit coucou à notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission Mavrica et donc qui sera partagé dans le cours de la semaine. En début de semaine, souvent, on l'a. Donc, les gens qui ont loupé le début de l'émission, par exemple, ou alors qui pourront pas l'écouter jusqu'au bout, ou alors qui l'auront pas écouté du tout, ou alors qui l'ont écouté mais qui ont envie de le réécouter, le podcast est là pour ça et vous pouvez l'écouter et aussi le télécharger. Donc si vous avez envie de conserver les morceaux, il n'y a pas de souci, comme ça vous pouvez réécouter l'émission tranquillement à votre temps au moment où ça vous convient le mieux. Voilà. Tu vas souvent en concert? Dès que je peux. Parce que je vois, tu me dis, voilà, celui-là, je l'ai découvert en concert et tout ça. Oui. Donc, je vois que toi, tu aimes bien aller au concert. C'est oui, mais c'est important de découvrir d'autres artistes, les univers, voir comment ils bougent aussi sur scène, l'énergie. Ah oui, c'est voir ça. Comment le public réagit. C'est enfin, important. Vraiment, ça. C'est, oui, c'est important. Parce que, bon, découvrir à la radio, c'est bien. Écouter le CD à la maison, c'est bien aussi. Mais aller les voir sur scène, c'est une dimension. Vivant, c'est autre chose, hein. Encore plus grande, hein, parce qu'on a les gens vraiment en face. Et puis, bon, il y a les lumières, il y a, comme on dit des fois ici assez souvent, on dit voilà, il y a les lumières, il y a le son, il y a les odeurs, il y a tout ça, quoi. Et on est vraiment imprégné dans l'univers. Et puis il y a l'interaction avec l'artiste aussi. Tout à fait, ouais. Voilà, quand on aime, on a envie de crier, on a envie de danser, on a envie de. Et puis l'artiste, lui, ressent aussi, hein, parce que quand il voit qu'il y a un public, il a envie de participer, et ça le booste encore plus, ça lui donne encore plus envie de se dépasser. Voilà. Donc, il faut aller au concert, ça c'est quelque chose de très important. Oui. Voilà. C'était mon petit mot. Donc, on écoute donc. Electro Deluxe. All Alone. All Alone. Ah! Voilà encore un très bon morceau que tu nous as fait découvrir aujourd'hui. Electro Deluxe, donc avec All Alone. Voilà, j'ai réussi à le dire. Alors très c'est bien. Vrai qu'ils ont tendance à travailler le jazz et puis tout ce qui est un peu électro, mais contrairement à certains groupes qui vont faire de l'électro jazz, eux, ce sont des vrais instruments, c'est un vrai orchestre entre guillemets. D'accord. Voilà, il va peut-être y avoir un ou deux samples et encore, c'est vraiment dans l'ensemble, les cuivres sont des vrais cuivres. Ils font des pas... vrais musiciens sur scène. Donc, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de musiciens travaillent. Bon, parce qu'on dit, les musiciens sont de plus en plus techniciens. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec des morceaux d'enregistrement. Hein. Ça se fait beaucoup hein, dans la musique actuelle. Voilà, donc des échantillons, des samples en anglais. Et on peut composer des musiques avec des sons qui nous appartiennent pas. Oui, des fois, il y a aussi des questions de droits d'auteur et tout ça. Donc après, il y a aussi des gens qui les transforment tellement qu'on les reconnaît même plus. Mais on peut travailler à partir de musique synthétique, quoi, finalement. Et après, il y a aussi des gens qui travaillent un peu de la même manière, mais avec des vrais instruments. Donc voilà, je crois que déjà pour les voir sur scène, c'est beaucoup plus agréable de voir des vrais musiciens plutôt que des gens derrière des claviers ou des ordinateurs. Donc c'est plus vivant. Et puis quand il y a un vrai batteur, une boîte à rythme, c'est vraiment très rythmé, tout ça très très très juste. Un batteur, il y a un petit décalage qui fait qu'il voilà. C'est toujours. Moi j'aime bien la vraie musique, quoi. Mais bon, les deux sont compatibles aussi. Il y a des techniciens qui font des remixages de choses qui existent déjà, donc la version très soul, très très jazz, et puis la version plus électro. On peut faire tous les styles différents, voilà. Donc la musique aujourd'hui nous permet de faire ça, et puis avec la technique en plus, aujourd'hui on peut réaliser plein de choses différentes. Donc là, ce sont des vrais musiciens, ça c'est important. Des vrais musiciens. Oui. Très bien. On va revenir un petit peu à toi, hein, puisque on parle de la musique qui t'a inspiré, les artistes qui t'inspirent, les gens que tu aimes, ceux que tu as rencontrés lors de concerts. Et puis on va revenir, puisqu'on a écouté déjà deux morceaux de toi. Il nous en reste un à écouter, pourra peut-être l'écouter maintenant et peut-être à la fin de l'émission pour rappeler un petit peu, pour mettre un petit coup de boost, pour que les gens ils aiment encore plus. Il faut que ça rentre dans la tête aussi, hein, parce que c'est vrai que il y a des morceaux comme ça, on en parlait la semaine dernière sur un groupe qui s'appelait The Gig. Et il disait justement il y a des morceaux qui percutent tout de suite, voilà, ils nous rentrent dans la tête et puis finalement on s'en lasse très très vite. Il y en a d'autres aussi qui sont peut-être plus élaborés, donc ils mettent plus de temps à rentrer, on met plus de temps à le comprendre, et après par contre il faut l'écouter une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, il rentre. Et puis, des fois, il y a des morceaux comme ça qu'on se lâche jamais. Bon, il y a des morceaux, des albums des années 70-80, je me lasserai jamais de les écouter parce qu'ils sont formidables. Et puis, mais peut-être qu'au premier, à la première écoute, j'ai pas eu ce truc-là. Donc, c'est marrant comment ça peut rentrer dans la tête. Donc, le fait, déjà, c'est de le faire découvrir aux auditeurs, le diffuser une fois, deux fois, pour que ça leur rentre un petit peu dans la tête, en espérant que ça restera pour toujours. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la persistance rétinienne, et on va dire qu'il y a la persistance positive. Voilà, c'est un peu comme... c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est vrai que le cerveau humain est très compliqué. Et moi, je compare... tu parlais de rétinien, donc la photo, c'est pareil. Il y a l'image qu'on a dans nos souvenirs et la vraie photo. Et des fois, quand on regarde les photos, on dit « Ah ouais, je me souviens de ce truc-là, mais je savais pas qu'il était là, lui. » Et « Ah ouais ?» Et on était là, d'accord, et on voit plein de choses dans une photo. La photo ne triche pas, finalement. Et dans nos mémoires, finalement, on se recrée un univers qui n'est pas forcément le réel. C'est drôle, hein, il y a des choses comme ça qui... Donc, pour ça que j'aime bien la photo, parce que c'est un témoignage aussi. Et après, aussi, le côté artistique, hein, parce que la photographie, on peut la travailler de plusieurs manières. Il y a la prise d'image, et il y a aussi tout le travail qu'on peut faire aujourd'hui en numérique. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, je prends beaucoup de plaisir des fois à voir aussi, par exemple, les émissions de radio. Il faut savoir que pour chaque émission, il y a un album, hein, puisque à chaque fois que je reçois des invités, à part quand je suis tout seul, des fois je suis tout seul, je ne fais pas un album avec moi-même. Donc j'aime bien être plutôt avec les invités. Et donc j'invite les auditeurs à aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Vous allez sur photos, c'est ça. Après il y a les albums. Et pour chaque émission, il y a un numéro. Donc avec chaque chaque artiste qui est venu. Et vous pouvez voir justement, au début, c'est vrai qu'on faisait des émissions, ils avaient un an, deux ans. Aujourd'hui, on est quand même la 13e année. Donc il y a des artistes qui sont venus il y a 10 ans, et donc ça fait des souvenirs déjà lointains. Et quand on les revoit, on dit « Oh ouais, on était jeunes aussi, hein, parce que le temps évolue ». Donc c'est bien. Et il y a aussi certains artistes qui sont venus à plusieurs reprises. Mmh. Donc on prend les photos pratiquement les mêmes, mais avec un an, deux ans, trois ans d'écart. Et voilà, ça c'est des témoignages qui restent. Donc j'ai un très bel album photo, et puis souvent je regarde les photos et je redécouvre des choses que j'avais un peu oubliées dans ma tête, parce qu'il y en a tellement des souvenirs, on peut pas tout garder. Oui, et on sélectionne les meilleurs, et on en oublie d'autres, et des fois qui sont bons aussi à souvenir, mais bon, le cerveau il est sélectif, on sait pas pourquoi quand il marche comme ça, voilà. Très bien. On revient à toi, parce que on a écouté déjà les deux premiers morceaux, donc Liberty Paranoid, et le troisième c'est No Games. On en avait parlé en début d'émission, on en reparle un petit peu. Oui, bah donc en fait, c'est effectivement No Games, c'est un message universel de résilience. Mm-hmm. Ça part d'une expérience personnelle, mais qui fait écho de toute façon, je sais, de manière universelle. Ça parle justement d'un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont vécu une relation toxique et qui veulent s'en sortir. C'est-à-dire que chacun en lui a la possibilité de renaître, de se relever, d'avancer, de renaître tel un phénix en réalité, et de croire en soi, et puis de pardonner aussi. Donc l'idée, c'est la transmutation. Et voilà, diffuser des ondes positives. Donc, No Games, c'est ça. Mmh. Alors, l'idée étant, quand j'ai travaillé ce morceau, c'était d'avoir quelque chose de très élégant, très chic, un peu à la James Bond. C'est-à-dire que c'est une lutte contre moi, entre guillemets, mais pour aller vers du positif. Mmh. Et puis, voilà, donc avec des petits clins d'œil au niveau des sonorités, de l'atmosphère, et même après au niveau du traitement du clip, les tenues, quelque chose vraiment très élégant, très chic. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de traiter ce sujet-là, justement? C'est par rapport à du vécu ou... Oui, c'est-à-dire que de toute façon, quand j'écris, ça fait référence soit à des expériences vécues, soit... à des expériences que je peux voir autour de moi, c'est-à-dire que j'observe beaucoup, l'être humain me passionne. Ah oui, ça c'est... la complexité des rapports humains également, donc oui, je me penche beaucoup là-dessus, et là en l'occurrence No Games, c'est suite à un vécu douloureux, et je sais que ça fait écho chez certaines personnes. De toute façon, c'est très d'actualité tout ce qui concerne les pervers narcissiques. Alors on dira oui, c'est un effet de mode, non, mais il y a quand même, j'ai également autour de moi des personnes qui ont été touchées par ce genre de relation, et il est très difficile de s'en sortir. C'est de la résilience, nous sommes des survivantes et survivants de ce genre d'expérience. Donc oui, on peut s'en sortir, oui, il faut de l'énergie, il faut, voilà, on peut trouver l'énergie en soi, oui, ça, voilà. Donc bah effectivement, No Games, c'est ça. C'est le positif, penser positif, on avance, on a l'énergie on peut y arriver. Et puis il faut savoir aussi que même si des fois on a des rapports toxiques avec certaines personnes, il y a d'autres personnes qui sont bienveillantes autour de nous, bien et sûr. Il faut essayer de trouver les bonnes personnes, justement, parce que des fois on a aussi besoin d'être aidé, et puis en parler à certaines personnes qui ne sont pas forcément au courant, ça peut aider beaucoup. Donc voilà, il faut s'appuyer sur les gens qui sont bienveillants autour de nous. La difficulté, c'est justement de discerner un petit peu les bonnes personnes et les mauvaises. C'est pas toujours évident. Mais bon, les vrais amis, on les reconnaît quand même. Hein. Quand on a besoin, ils sont là. Donc on écoute le morceau No Games. No Games. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur. La violence des mots me colle à la peau. Spirale infernale, ce visage glaciale, son emprise torturée m'a déglingué. Non, mon fin. Voilà, on a l'habitude de passer dans l'émission Mavrika des titres du groupe qu'on avait reçu la semaine dernière. Donc, on vient d'écouter à l'époque, à l'instant, c'est juste avant. C'était le morceau de du groupe que nous avons reçu donc la semaine dernière dans l'émission numéro 536. Il s'agissait du groupe The Gig. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Real Good Time. Voilà, on passe un vraiment bon moment avec Elsia, notre invitée dans cette émission numéro 537. Hein. J'espère que ce numéro va te porter bonheur, Elsia. Souhaitons-le. 537, voilà, il faut le savoir. Moi, ça me fait un petit peu rire parce que des fois, les gens, ils viennent et ils disent, t'es déjà venu dans l'émission. Oui, oui, j'étais venu dans la 500 et ils sortent le numéro. Ah, oui. Parce que ça marque, hein, finalement. Donc voilà, c'est un numéro qui est attribué pour cette émission puisque je les compte au fur et à mesure, ça me permet de retrouver les enregistrements, les photos, tout ce qui s'est passé dans l'émission. Et juste avant, donc, on avait écouté No Games, ton troisième titre. Hein. Voilà. Et voilà. Et pendant ce temps-là, bah, il y a aussi des auditeurs qui me téléphonent. Et il y en a un qui est très fidèle. Hein. C'est une personne que tu as déjà rencontrée. Tu te souviendras peut-être pas de lui, mais à l'occasion d'un Mavrika Live. Parce qu'il m'a dit, mais c'est ton invité là, qu'on entend. Je dis ouais. Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment, tu vois, à chaque ça fois, fait elle, donc elle dit, mais franchement, elle est d'Orléans et tout ça. Et donc, et après, j'ai dit, oui, c'est quelqu'un, elle est aussi peintre et comme tu viens régulièrement au Mavrika Live, elle a aussi exposé ses tableaux, ses créations lors d'un Mavrika Live. Il dit, ah, bah oui, je vois qui c'est une personne qui brûle et tout ça. Ouais. Donc, il m'a bien décrit. Il m'a dit, oui, j'avais même parlé avec elle. Donc, tu lui la salueras et tu diras que c'est vraiment très bien ce que tu fais. Donc, ah bah voilà, merci. T'as vraiment un univers. Merci beaucoup qui et plaît, merci à cet auditeur. Merci, voilà, je suis donc très touchée. C'est Chris du groupe Prisma aussi. D'accord. Qui est aussi musicien. Quand je te bien. Disais que les musiciens nous écoutaient. Et donc, on fait un petit coucou à Chris qui est en merci, train de nous préparer Chris. le Creek Fest bientôt. Donc, on en reparlera. Il viendra ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous parler de cet événement où il fait jouer aussi des musiciens et c'est l'occasion d'aller justement découvrir les bons musiciens de notre région et oui, d'ailleurs hein, donc voilà et dans chaque style il y a toujours des bonnes choses et c'est toujours une bonne occasion de se retrouver aussi de discuter et puis d'écouter de la bonne musique voilà donc voilà pour le petit message on continue l'émission va très vite on a attaqué déjà elle est bien entamée la troisième heure hein. Et c'est vrai que les gens quand ils viennent disent mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pendant trois heures mais finalement, on arrive à la fin de l'émission, on a l'impression qu'on n'a pas eu le temps de tout dire encore. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on a fait découvrir aux auditeurs ton univers. On a écouté déjà les trois morceaux. Oui. On réécoutera un morceau tout à l'heure. Je pense qu'on réécoutera No Game, puisque c'est le morceau. C'est le dernier en date. C'est le dernier en date. C'est celui qu'il faut défendre. C'est celui qu'il faut écouter. Qui est toujours en promo, effectivement. Voilà, toujours en promo. Et les clips vidéo sont sur le Facebook de l'émission Mavrika. Donc, vous pouvez aller les voir et puis les écouter tranquillement après l'émission parce que des fois écouter l'émission écouter le clip en même temps c'est pas toujours évident et vous pouvez donc les écouter calmement et puis mettre ça sur un grand écran même sur la télévision et tout ça c'est encore mieux oui, ça passe bien à la ça télé, passe bien hein. Voilà. Oui j'ai vu voilà donc on va continuer à découvrir les artistes que j'affectionne qui font partie de mon univers musical que j'écoute volontiers quand je me mets dans ma bulle pour me concentrer ou décompresser enfin donc alors comment tu fais pour écouter j'imagine parce que moi j'ai une manière d'écouter les choses et suivant ce que j'écoute pas au même endroit déjà tu vois c'est drôle hein c'est il y a des choses que je vais écouter plus dans mon salon d'autres choses plus dans mon studio d'autres choses plus dans mon bureau voilà c'est des choses différentes et toi comment tu fais tu écoutes au casque tu écoutes alors c'est vrai que j'ai tendance à écouter au casque parce qu'il y a des petites subtilités qu'on entend plus facilement au casque on est vraiment dans une bulle on n'est pas parasité par des bruits extérieurs après oui avec il faut écouter très fort voilà oui bon après c'est le voisinage qui est pas forcément ravi donc même qu'on chante dans ma salle de bain, des fois il y a les voisins qui râlent. Donc, ah bon pourtant, moi ça me ferait plaisir d'avoir une voisine qui chante comme toi. Voilà. Ils savent pas la chance qu'ils ont. Non, franchement. Ils affectionnent peut-être pas ce genre de musique non plus. Hein. Ouais, mais bon, après, peut-être qu'ils veulent dormir à ce moment-là. Ah c'est, oui, peut-être, voilà, c'est ça. Peut-être, ou alors peut-être que les enfants sont couchés et la peur qu'on les réveille. Quoi. Voilà. On peut imaginer un tas de choses. Enfin, c'est vrai que majoritairement j'écoute beaucoup au casque. Oui, ça c'est vrai. Oui. D'accord, au casque, donc sur un fauteuil. Tu baisses un peu la lumière ou tout dépend. Soit tu fermes les yeux, soit je me pose complètement et là je m'imprègne, je suis complètement dedans. Ou alors en vacances à mes occupations et voilà, je préfère avoir mon son sur moi. Moi je fais la distinction aussi entre le moment où j'écoute de la musique et le moment où j'entends de la musique. Des fois j'entends de la musique, voilà, je la mets comme ça pour et puis je fais d'autres choses. Et après quand j'ai envie vraiment d'écouter, là par contre je me pose et puis là je fais beaucoup plus attention au son, quoi. Voilà, il y a deux manières différentes. Mais bon, la musique c'est bien qu'elle soit toujours présente parce que bon, ça nous aide. Et des fois il faut aussi savoir écouter le silence, comme on disait tout à l'heure. Le silence, ça fait partie de la musique. Il faut se reposer les oreilles de temps en temps. Ouais. Se nettoyer la tête et puis être frais de ce fait pour écouter de nouvelles choses. Donc oui, de temps en temps, le silence est important. Mmh. Très bien. Bon, ben voilà, on sait dans quelles conditions tu écoutes la musique maintenant. Donc on va continuer avec justement le style de musique que tu écoutes. Alors là, c'est Kovacs. C'est un groupe, alors c'est une chanteuse néerlandaise qui s'est fait connaître en 2014 grâce à son single qui s'appelle My Love. On l'a pas mal entendu pour une publicité de parfum, dont je le citerai pas, mais dans la publicité il y avait Scarlett Johansson. Et c'est ce qui oui, l'a je vois l'image, ouais. Voilà. Donc le titre en l'occurrence s'appelle The Devil You Know. Voilà. D'accord. Le diable que tu connais. Non, voilà, c'est ça. Oui, donc ça parle un petit peu, tout ça rejoint un petit peu paranoïde. Oui, si on veut, mais pendant c'est quand même un peu moins glauque. Hein. Moi, c'est quand même alors, assez perché. Ou alors No Games aussi avec les gens toxiques, hein, les gens voilà. Oui, mais c'est toujours vers du positif. Hein, oui, toujours. Toujours vers du positif. Donc là, en fait, ce que propose Kovacs, elle a un style qui est très pop, hip-hop, jazz, des fois un petit peu électro, et elle a parfois dans la voix des couleurs à la Amy Winehouse, forcément chanteuse que j'apprécie énormément. Oui. Donc là, vous allez voir, il y a des petites subtilités à la Amy au niveau du placement de voix dans le twang. Voilà. Donc, je vous laisse écouter Kovacs. Cigarette smoke, feeling alright. The sky looked like black glitter. Tonight you'll be a winner. You said I do to the wrong side. Fuck me up and then you play nice. You got to know I burn your laughter. Where's for the better? Never thought you was a killer. Thunder brings white light. Kovacs gonna be alright. We used to be easy, but now you are my enemy. Did you enjoy the whole fight? Now we say goodbye. Your body's on the floor. Voilà encore des artistes que nous découvrons dans l'émission Mavrika grâce à Elsia qui est notre invitée de cette émission numéro 537. Voilà, on va finir par se souvenir de ce numéro-là. D'ailleurs, on avait dit en début d'émission qu'on chercherait quand est-ce que tu es venu la dernière fois. On verra ça tout à l'heure. On a plein de choses comme ça dans la tête. On avance au fur et à mesure. On découvre des. Bon, c'est pareil. On a la tête pleine d'émotions à écouter plein d'artistes différents. Donc, on fait plein de choses en même temps. Donc, je partage aussi tout le programme de l'émission Mavrika avec tous les titres que nous diffusons ce soir, des morceaux que tu as choisis. Donc, ça permet aux gens de retrouver justement les artistes dont on parle ce soir. Alors, il nous en reste encore quelques-uns à écouter. Il y en a d'autres qui nous sont venus en tête, qu'on va essayer de trouver avant la fin de l'émission pour pouvoir les diffuser. Donc voilà, il y a toute une gymnastique, il y a plein de choses. Il y a ce qu'on entend et il y a aussi les coulisses. Et on aime bien aussi parler des coulisses dans l'émission Mavrika, parce qu'une émission de radio, bah, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, c'est d'abord, on fait passer à travers les transistors une conversation, mais en vérité, bah, c'est des rapports aussi avec les artistes. C'est d'abord des êtres humains, c'est ça le plus important. On n'est pas des robots. On n'est pas des pas robots. Pas encore, voilà. C'est un petit peu dénoncé par certains en disant que voilà, on devient de plus en plus des robots. Et dans la société actuelle, c'est vrai qu'on est considéré un petit peu comme des numéros, des choses comme ça, alors qu'en vérité, on est quand même déjà des êtres humains, et donc on a chacun une sensibilité, et donc voilà, c'est ça le plus important, je crois, pour moi. Oui. Dans l'émission Mavrika, en tout cas, c'est comme ça, c'est l'esprit Mavrika qu'on a depuis un certain temps, et donc à chaque fois que je reçois des artistes, et bon, on s'aperçoit que on ressemble beaucoup, et que justement, on partage beaucoup de ces valeurs. Voilà. Donc, on vient d'écouter encore une très belle voix. Oui. Ce rythme un peu qui me rappelle un peu les années, la soul des années 50, 60, vraiment le début. Et après, il y a le côté aussi moderne, parce que finalement, c'est des choses actuelles, mais qui ont quand même un rapport avec la soul des origines, quoi. Moi, j'aime bien ce mélange comme ça, avec des instruments, des vrais instruments. Par exemple, on entend des pianos, des contrebasses, des choses comme ça. Et après, il y a aussi la manière d'enregistrer qui est actuelle. Et il y a aussi, forcément, des machines aussi qui sont derrière. Oui, puis il y a des interventions de bruit extérieur, comme là, le bruit de comptoise qu'on entend à un moment. Oui. Enfin, voilà. Il y a des sons qui n'ont rien à voir avec des instruments qui sont incorporés. Déjà l'introduction où il parle, voilà, c'est cette voix, une voix un peu de télévision, des choses comme ça qu'on écoutait avec vieux micros, ouais, c'est-à-dire qu'avec une bande passante qui était très très réduite, et bon, à l'époque on écoutait que comme ça. Moi, je me souviens à l'époque des premiers transistors, même des radios à lampe, les télévisions, bah le son n'était pas celui qu'on a aujourd'hui. Ah non, hein. Voilà. Rien à voir. Il n'y avait rien à voir, mais bon, ça évolue, et tant mieux. Hein. Et je me souviens, même je me suis fait la réflexion, avant le téléphone avait un son horrible. Aujourd'hui, on écoute au téléphone pratiquement comme si la personne était à côté de nous. Donc ça évolue aussi. Aujourd'hui, le son est beaucoup plus agréable qu'à une certaine époque. Hein. On a gagné dans les graves. Oui. Il y avait beaucoup plus d'aigus. Oui, et après, l'inverse aussi. Hein. Aujourd'hui, avec nos téléphones, avec les tout petits haut-parleurs, on écoute beaucoup d'aigus aussi. Hein. Il n'y a plus les graves. Hein. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué et difficile quand j'entends les gens qui écoutent de la musique directement sans casque sur leur téléphone. On entend, ça coupe complètement les basses, les graves. On est vraiment dans les saturations d'aigus, et là ça fait un peu mal quand même, j'ai du mal comme ça, mais bon il y a des gens qui écoutent que comme ça, de plus en plus, mais bon, non, moi j'aime bien écouter avec le son le mieux possible, hein. Donc c'est pour ça qu'on passe dans des studios, sinon on enregistrerait les trucs sur un téléphone aussi, hein. Voilà, on passe dans des studios, donc il y a tout le matériel, il y a beaucoup de matériel qui vaut très cher, et puis il faut savoir s'en servir, les techniciens aussi, il y a un savoir-faire, il y a tout ça, s'improvise, et tout ça pour écouter sur un téléphone, c'est un petit peu dommage, quoi. Et prenez le temps de brancher votre téléphone sur quelque chose de plus conséquent, écoutez ça avec des vraies enceintes ou un bon casque, et puis ça sera toujours plus agréable. Voilà, c'est le petit conseil que je dis. Se créer une bulle. Ouais, et tu vois, je t'ai rien soufflé, mais tu es d'accord avec moi, quand on apprécie la musique, on aime bien l'écouter avec toutes les fréquences, quoi. Voilà. Très bien. Donc voilà pour l'artiste qu'on vient de découvrir. Il y en a encore d'autres. Oui. Alors il y a une chanteuse anglaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Anna Williams, qui tourne avec son groupe qui s'appelle The Affirmations. Je l'ai vue au New Morning, encore une fois, un concert. Ouais. Elle tourne avec, elle a signé avec le label Record Kicks, qui est vraiment réputé au niveau européen. pour la soul en tout cas. D'ailleurs, Martha Renn, qui est donc une chanteuse portugaise, elle, elle a signé justement avec Record Kicks. D'accord. Et nous avons un petit Français qui a également signé avec eux, qui s'appelle Alex Evans, qui lui est plus dans le rhythm and, est plus dans le rhythm and blues. Donc là, Anna Williams, dont je parle, elle a été révélée au grand public par l'émission, la grande émission que nous avons, et enfin, nous avons la formule aussi en France avec les sièges qui tournent. Oui. Voilà. Oui. Et la voix, quoi. Voilà, la voix, anglais. On va dire en français. Et donc son coach, c'était ce cher Tom Jones. Donc autant vous dire que c'est une grande, grande voix, Anna Williams. Mmh. Elle envoie, elle décoiffe, elle envoie du lourd. C'est une fille de pasteur, donc elle chante avec son cœur et son âme. Et là, le morceau que j'ai suggéré, c'est un morceau qui monte tout en puissance. Ça s'appelle Late Nights Heartbreak. On envoie le morceau? Oui, oui. Ah, d'accord. Oui, oui, c'est pardon. Parti. It is so hard to love you. And I know in my heart that I want to. I've been messing around when you're out of town. Why do I keep on running away? I'm a part-time lover. Eh ben, elle mérite les applaudissements. En tout cas, super belle voix. Ah là là, oui. Voilà, on comprend donc pourquoi Tom Jones l'a choisi quand même. Hein. Ouais, en même temps, ouais, voilà. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que voilà, c'est une voix puissante, mais aussi dans la douceur. Ah, oui. Il y a les deux côtés. Et ça, c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des voix très percutantes, mais restent percutantes tout le temps. Et d'autres qui ont une voix douce et passer de l'un à l'autre, c'est quelque chose de voilà, tout le monde peut pas le faire comme aussi bien en tout cas qu'Anna Williams. Oui, oui, elle a vraiment toute une subtilité, puis un éventail, une couleur vocale extraordinaire. Mm-hmm. Elle joue sur les émotions, elle vit chaque mot. Enfin, vraiment, c'est pour l'avoir vue en concert, on est waouh, transporté complètement. Hein, vraiment. Là, au New Morning, elle avait mis le feu. Hein. Ça m'étonne pas, voilà. Et en plus, on voit cette voix, ces voix comme ça, qui viennent du gospel, hein, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est fille de pasteur, donc habitée complètement. Lorsqu'elle chante, elle est dedans. Oui, c'est une vraie tigresse. Hein. Très bien, en tout cas, très bonne découverte. Alors, il nous reste encore plein d'autres choses à découvrir. Le temps passe vite, mais on est un peu près dans les clous quand même. Hein. On a réussi à passer pratiquement tous les artistes. On est en train d'en chercher au même temps. Voilà. Il y a aussi d'autres artistes que tu voulais écouter. Donc, Norah Jones, entre autres. Oui. Voilà. Oui, Norah Jones. Que j'aime beaucoup aussi, chanteuse, musicienne, actrice également. Son univers, je suppose que quand même une partie de tes auditeurs, voire peut-être tous tes auditeurs la connaissent. Donc elle fait du blues, de la folk, la du jazz, bien. De la pop, de la soul. Elle s'est fait connaître il y a déjà quand même peut-être 2003, je crois, il me semble. Et puis avec son premier album qui s'appelait Come Away With Me, et elle a eu 5 Grammy Awards pour cet album. Et le titre que j'aimerais écouter, c'est Don't Know Why. Très bien, bah, le morceau est calé, donc c'est très doux, quand tu veux, enveloppant, donc allons-y, laissons-nous porter par la voix chaude de Norah Jones. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly. I don't know why. Don't know why, donc c'était Norah Jones, voilà, très belle voix, vraiment cool, hein. On écoute l'émission vraiment tranquille, c'est pour ça, je sais pas si tu as remarqué au début de l'émission, j'ai envoyé des morceaux assez dynamiques. Pourquoi? Parce que je savais que la musique après serait beaucoup plus cool, donc je me suis dit ça fera en deux temps, et comme ça, là on passe une soirée bien tranquille à écouter de la bonne musique, bien douce, oui. Voilà, ça change un petit peu, voilà, ça fait un peu les deux facettes de l'émission Mavrika, et donc Norah Jones, et puis après tu voulais aussi écouter d'autres artistes, hein. La suivante c'était Amy Winehouse. C'est forcément, c'est la référence pour moi. Moi, j'adore Amy. Bon, après, d'accord. Elle a un passif malheureusement très douloureux. C'est ce qui fait d'ailleurs une grande, enfin, ce qui fait d'elle une artiste mythique. Son départ a été trop tôt, mais bon, est arrivé trop tôt. Mais bon, voilà. Je suis extrêmement touchée par cet artiste, tant par sa voix que par ses textes. Voilà, donc j'avais envie de partager Back to Black d'Amy Winehouse. On écoute donc tout de suite Back to Black. Go back. donc un superbe morceau, une superbe voix. Voilà, c'est un moment magique encore dans l'émission Mavrika. Hein. Donc un morceau que tout le monde connaît. Hein. Je pense ah que oui, là c'est oui, vraiment là, un standard, oui. Un standard, une voix inoubliable. Très bien. Bah, on a écouté plein de bonnes choses. On a découvert plein de choses différentes hein, dans l'émission Mavrika ce soir. Donc chaque émission a une couleur différente. Quelles sont tes deux couleurs qui illustreraient le mieux ton univers? C'est dur de se limiter à deux seules couleurs. Deux, ouais. Alors vraiment, parce que même si j'adore le jazz. Ouais, mais je parle des couleurs, les vraies couleurs, le bleu, vert, jaune. Ah, les couleurs. Oui. Ah oui, je crois que c'est des couleurs musicales. Après, ah, musicales, oui. Je pense que il y a le jazz, alors, la soul. Couleurs. En temps normal, j'aurais dit le rouge parce que c'est la passion, mais là, je dirais plutôt quelque chose de plus apaisant et spirituel, donc je tendrais vers du bleu. Le bleu, d'accord, voilà, bleu marine, plus... bleu... Non, un bleu... Bleu pâle, pastel... Un bleu de ciel, en fait, un bleu profond. Mmh. Et puis, bah, ça invite à l'évasion, c'est aussi la mer, c'est l'invitation au voyage. Donc voilà, j'ai quelque chose de plus apaisant, même si je suis intérieurement, je bouillonne, c'est le feu. Il y a aussi ces deux côtés, ces deux facettes. Donc je dirais ce soir le bleu. Le bleu et une autre couleur donc. Ah bah là pour le coup ce sera le rouge. Ce sera le rouge voilà. qui sont des fois un peu opposés, mais qui sont aussi. C'est le chaud et le froid. Ouais, tout les à contrastes. Fait. Tout à fait, le chaud et le froid, les couleurs froides, les couleurs chaudes et le vert qui est un petit peu des deux quoi, parce que il y a le jaune dedans qui est chaud et il y a le bleu qui est froid. Oui. Voilà. Donc le chaud et le froid, le bleu et le rouge. Hein. Moi je crois que c'est les deux couleurs qui se complètent le mieux quoi finalement. Les chauds, froids, enfin les contrastes de toute façon. Voilà, c'est ce qui me définit de toute manière. J'aime bien jouer sur les contrastes. Donc. Mais tu vois, moi j'imaginais tout de suite ça allait être des couleurs vives. Je sais pas pourquoi. Je sais. Peut-être par rapport à ton univers et tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui me disent, voilà, c'est plutôt le noir, le gris, le blanc. Alors même si je suis souvent de noir vêtu, intérieurement, je suis très colorée. D'accord. Très bien. Oui, ce soir, c'est vrai que tu es habillée en noir. Je suis souvent en noir. Hein. Même dans mes clips, je suis souvent en noir. À part si dans No Games, j'ai du rouge et du noir, à un moment, au tout début du clip. Sinon, je suis essentiellement en noir. Hein. Ça m'a toujours défini. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je tendrai vers des couleurs, mais j'ai tendance à être souvent noir. Très bien. Rouge, le rouge et le noir aussi, c'est une couleur qui vient souvent. Hein. Oui. Alors surtout, on écoute pas mal de groupes rock dans l'émission, et souvent le noir c'est la couleur du rock and roll. Oui. Et puis le rouge, c'est des flammes, l'enfer. Ah ouais, que. Très bien. Ben voilà, on a écouté plein de choses différentes. Alors là, j'ai appris tout à l'heure. Hein, un retour. Donc j'ai annoncé que l'association Mavrika allait reprendre les Mavrika Live hein, après 3 ans d'arrêt. Hein. Mm-hmm. Et donc ça, le prochain événement sera le 10 juin. La date est arrêtée. Alors il faut savoir qu'on s'y est pris un peu tard parce qu'on voulait pas s'engager non plus s'il y avait encore des soucis, parce que effectivement beaucoup d'événements ont été annulés, hein, dont le Mavrika Live numéro 12 qui devait avoir lieu au mois d'avril 2020. Donc cette fois-ci, on essaie de recontacter les mêmes personnes pour qu'elles viennent jouer sur la scène de la grande salle de l'espace Bérère à la chapelle Saint-Mémin. Mmh. Et donc on a recontacté les mêmes. Hein. Alors pour l'instant, on a de retour. Il y aura en interscène le groupe Duke qu'on a reçu il y a pas très longtemps dans l'émission Mavrika. Et là, on a eu le retour aussi du groupe Yeti. Donc on avait demandé aux gens de sélectionner des groupes. Hein. Alors déjà, on a demandé au groupe quels sont les groupes qui voulaient participer. Donc on en a fait une quarantaine. Et sur les 40, on a demandé au public hein, de voter. Et donc les groupes qui étaient sortis, c'était le groupe Yeti. Il y a aussi le groupe Custom et le groupe Melody Road qui étaient prévus. Donc pour l'instant, je sais pas encore le retour des autres groupes. Mais là, dès maintenant, on peut dire que le groupe Yeti sera là. Ils m'ont dit présent avec plaisir. Donc c'est en plus un plaisir de les retrouver parce que humainement, c'est des gens que j'aime beaucoup, que j'ai déjà vu pas mal de fois en concert et que je suis déjà depuis pas mal de temps. Donc le fait de les faire participer à notre événement, pour moi, c'est vraiment un honneur. Le groupe Yeti, je sais pas si tu connais. Ah non, du tout. Oui, parce que oui, il y a des groupes, bon, suivant les styles, et puis bon, tu vas beaucoup au concert, et peut-être tu t'orientes plus vers des artistes internationaux ou des non, ça dépend. Ça peut être de la scène locale, ça peut être non, il n'y a pas de en fonction de ce qui m'inspire ou non, de ce dont j'ai entendu parler ou pas. Après, il faut être curieux, c'est vrai, aussi, des fois. Ouais. J'ai des amis qui vont des fois vont me proposer d'aller à un concert pour découvrir un artiste que je connais absolument pas. Donc, c'est une bonne découverte. Des fois, des fois, ça accroche, des fois, ça accroche pas. Et ça arrive aussi qu'on aille voir, par exemple, un artiste, un festival ou un événement comme un Vreka où il y a plusieurs artistes qui défilent les uns derrière les autres. Et on y va pour un artiste et on en découvre un autre. Et puis ainsi de suite. Donc, petit à petit. Il y a des très belles surprises, parfois, oui. Est-ce qu'il y a des artistes de la région que tu as envie de citer ce soir? Des gens que tu connais? Alors oui, il y a un artiste que j'aime beaucoup, qui est déjà passé d'ailleurs sur Arc-en-Ciel, c'est Olivier Roy, oui, avec lequel j'ai déjà partagé la scène. Et j'adore son univers, c'est très poétique. D'ailleurs, il m'a écrit une chanson. Ah d'accord, voilà, donc voilà. Non, c'est un artiste très délicat. Je vous invite à aller découvrir son univers, vraiment. Très bien, donc Olivier Roy, d'autres artistes encore ou bon, et puis là, dans l'immédiat... C'est pareil, moi je t'ai posé la question, on n'avait rien préparé, hein, c'est vraiment... Donc des fois, c'est vrai que comme tu n'as pas réfléchi, c'est pas tout... Non, là, ça brûle pour point, voilà. Joker, donc. Très bien, mais Olivier Roy, oui, effectivement, oui, oui. C'est un artiste qu'on connaît dans l'émission Mavrika. Et donc, c'est bien de parler de justement tous les gens que... qu'on peut connaître, voilà. Très bien. Moi, je propose qu'on écoute un morceau de Yeti. Ah bah oui. Donc le groupe Yeti, c'est un groupe de qui chante en anglais. La plupart, oui, là, ils chantent toujours en anglais. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est toujours en anglais. Et puis qui se qualifie un peu de punk, mais un peu dans le style Bernie Head. Donc il y a des morceaux un peu reggae, etc. Et là, ils ont fait une reprise d'une chanson que tout le monde va reconnaître. On va écouter le morceau et puis on en parle juste après. Ok. Just came and rocked your heart. Who's about to Voilà, donc on a écouté le morceau, la fameuse reprise de Yeti. Alors, je sais pas si tu te souviens de ce morceau-là. C'était... Ah oui, oui. oui, oui. Les... Mais là, ça décoiffe. Hein. oui, c'est une reprise un peu dans le style. Voilà, le morceau, c'est le même, mais le style est différent, encore une fois. Donc, il s'agit de Video Killed the Radio Star, hein, ce qui est complètement faux, puisque les stars de la radio sont toujours là. La preuve, nous sommes présents ce soir dans l'émission Mavrika. Et puis, tu présentes très bien. Hein. C'est vrai que moi, c'est vraiment un plaisir de faire une émission avec toi parce que tu as préparé ton émission, oui. Il y a les titres, il y a les morceaux, tu nous fais découvrir plein de choses et des fois tu prends un peu ma place et moi je trouve que c'est super bien comme ça. Tant mieux. C'est super agréable. Voilà, donc c'était une reprise des Buggles. C'était dans les années oh là, fin 70, hein, un truc comme ça. En tout cas, c'est un standard de la musique qui a été repris donc par le groupe Yeti qui fera partie du Maverick Live numéro 12 qui aura lieu le 10 juin. Enfin, je pense qu'on a tout dit. Au fur et à mesure, on tiendra les gens au courant. Et on est en train de préparer tout ça hein, à partir de maintenant, parce que c'est dans quelques mois, dans 5 mois exactement. Voilà. J'ai aussi, comme on arrive à la fin de cette émission, on avait encore un petit peu de temps. Et là, j'ai cherché parmi les titres que j'avais ici dans mon ordinateur, hein, tout simplement, un groupe de musique soul que je pense que tu aimerais. Voilà, c'est un groupe de la région que j'ai découvert il y a pas très longtemps en concert. Le groupe s'appelle Rolling June. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Mmh. Et là, ils reprennent un morceau de Jack Brel. Jack Brel. Donc sur voilà. Soul, baby. Sur la soul, c'est Amsterdam en musique soul. Donc, j'avais envie de l'écouter ce soir et donc je te propose de l'écouter avec nous. Volontiers. C'est parti. Family. donc une découverte pour toi, donc oui, un groupe que tu ne connaissais pas du tout et que j'ai eu l'occasion de voir à Talcy dernièrement en concert. Et bah d'ailleurs ce groupe là on s'était dit il va falloir qu'ils viennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour une émission. Ça s'est pas encore fait, mais bon, ils sont dans les tuyaux et puis on va essayer de les recontacter et pour qu'ils viennent passer un moment avec nous et faire découvrir tout leur univers, parce que des groupes de musique soul finalement il n'y en a pas énormément dans la région orléanaise, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les mettre en valeur. Oui, et les puis, mettre en lumière. Oui. Et puis il y a ce côté les cuivres, les c'est quelque chose de formidable. et c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que bon, il y a des musiques dans lesquelles les cuivres s'incorporent bien, il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, mais il y en a aussi certains qui arrivent à incorporer les cuivres dans du rock ou des choses comme ça passe super bien. Après c'est le coup de savoir bien le faire, et mais dans la soul c'est naturel. Bon, c'est quelque chose, sans les cuivres ça passerait pas. C'est chaud et puis ouais, et puis ce côté-là, bon, des belles voix. Il y a toujours des belles voix. Et là, ils ont la chance d'avoir une très, très bonne chanteuse, hein, avec une très belle voix. Et donc, c'est toujours un plaisir à écouter. Donc, le groupe s'appelle Rolling June. Voilà. on avait aussi un autre morceau, parce que voilà, c'est ces morceaux que je t'ai fait découvrir. Toi, tu m'en as fait découvrir beaucoup ce soir. On arrive bientôt à l'heure, mais c'est pas grave, on va dépasser un petit peu parce qu'on va prendre le temps d'écouter donc encore un morceau que tu nous as apporté. Oui. Cette fois-ci, comment s'appelle Alors l'artiste c'est Katie King, c'est un groupe en réalité, et c'est un ami qui me l'avait fait découvrir. Et le morceau s'appelle Dark Side of the Moon. C'est la musique d'un film qui s'appelle Iron Sky, que je n'ai pas vu, qui est considéré comme un ovni complètement déjanté. Je ne l'ai pas vu du tout. D'accord, mais ça donnera envie d'aller voir justement. Donc oui, Katie King, ce morceau-là, j'aime beaucoup. Il y a un côté un peu trip-hop, il y a des sons, enfin vraiment, il y a un côté un petit peu rétro, vieillot, et avec des sons plus actuels. Et la chanteuse a une superbe voix. Pareil, on est encore dans des histoires de signature vocale, et là, elle a un grain particulier. Donc voilà, Katie King, Dark Side of the Moon. It's coming over me. You are all that I can see. Oh, I sink in those deep blue eyes, all underneath that you are mine. On this hazy afternoon, I catch myself. Voilà, donc c'était... c'est un ensemble, donc oui. Lighty King, c'est un groupe. Et on l'avait programmé, et puis du coup, on l'avait pas passé. Donc, heureusement que tu as relu tout le programme et tu t'es rendu compte, parce que ça tombait bien, parce que ça nous permettait découvrir cet artiste, ces artistes, puisque c'est un groupe. Après, j'ai pas trouvé grand chose sur eux sur Internet, d'accord. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que voilà, j'aime bien ce morceau, donc. On l'écoute avec beaucoup de plaisir en tout cas. Voilà. Là maintenant on arrive bientôt à la fin de l'émission. Bon, l'heure est un petit peu dépassée. Je pense que les auditeurs ne vont pas nous en vouloir. Donc on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé dans l'émission. Donc notre invité c'est Elsia qui va bientôt sortir un album, qui vient de sortir un single au mois de septembre, c'est oui. Ça, qui s'appelle No Games. C'est le morceau avec lequel on va terminer cette émission. À la fin de chaque émission, on dit les phrases magiques. Alors les phrases magiques, c'est la première, c'est que le rock and roll soit avec vous. Oui. On va dire que la musique en général, parce qu'on aime toutes les musiques. Hein. Puis aujourd'hui, ça serait peut-être jazz, soul. Voilà, jazz, soul, pop, électro, hein, même un petit peu. Peu. Oui, on aime bien aussi les petites touches de musique actuelle, hein, voilà, tout simplement. La deuxième, c'est une vie sans musique serait une erreur. Ah, oui. Et la troisième, tu vois, comme on aime bien les messages d'espoir, c'est « Everything is gonna be alright ». Et c'est en anglais. Exactement, donc, ça rejoint le titre de Michel David. Bah « It's oui, gonna be alright ». Tout à fait. Et puis d'ailleurs, je regardais tout à l'heure, le titre c'était « The Dark Side of the Moon », qui nous rappelle aussi forcément le fameux morceau des Pink Floyd. Oui. Voilà, les Pink Floyd. Oui. Cet album formidable. Donc voilà des petits clins d'œil comme ça qui peuvent être faits. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en attendant, bon voilà, c'est des bons titres pour des morceaux. Voilà, c'est le plus important. Oui. Cette émission se termine et puis donc la semaine prochaine nous allons recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel un groupe. Alors c'est le seul groupe composé uniquement de filles de la région, je pense, et elles sont 6, hein, donc on fait pas les choses à moitié. Donc la semaine prochaine, je serai bien accompagné avec le groupe The Brunettes. Alors j'aurais voulu diffuser des morceaux, mais les enregistrements sont tout récents et j'ai pas réussi à les avoir pour aujourd'hui, mais on les écoutera la semaine prochaine sans faute, et puis après on les écoutera dans les émissions suivantes sans problème. Comme tes morceaux, hein, par exemple No Game, je pense que c'est le morceau qu'on va réécouter. On va l'écouter deux fois ce soir et on continuera à l'écouter dans les prochaines émissions. Voilà, justement. Alors pour l'instant, l'agenda est rempli jusqu'au mois d'avril, mais il y a un trou. Il y a le 10 février où il y a personne qui veut vraiment venir ce jour-là. Je sais pas s'il y a quelque chose d'autre qui se passe en même temps. La Coupe du Monde est finie. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je sais pas. Mais bon, en attendant, si vous êtes disponible, si vous avez un groupe ou un projet musical, hein, vous êtes tout seul. Vous avez un projet, alors que vous soyez professionnel ou amateur, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de faire la musique avec son cœur, et vous serez bien accueilli ici dans l'émission Mavrika pour nous présenter votre projet. Voilà, il reste encore. Mais là, c'est vrai que depuis le Covid, c'était pas évident au départ, et là, ça commence à revenir comme avant, avec 3-4 mois d'avance. Voilà, c'est comme ça. Mais le problème, c'est justement quand on a des choses qu'on peut pas prévoir, comme le Covid. Il a fallu que j'annule pratiquement. J'avais 6 mois d'avance. Il a fallu que je prévienne tout le monde en disant, écoutez, c'est pas moi qui décidais, mais bon, on pourra pas faire les émissions. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc petit à petit, on reprend les gens qui voulaient passer, et puis ils vont venir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, mais il va falloir être un petit peu patient aussi, voilà. Et il y en a plein qui veulent venir en même temps, et puis après, à côté, il y a des dates que personne ne veut. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, c'était ton émission. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah oui, très. J'espère que les auditeurs aussi. Oui, je pense, tous les retours qu'on a eus étaient positifs, donc continuez à nous mettre des petits messages sur le Facebook, c'est toujours bien, les petits j'aime tout simplement, un petit cœur ou un petit pouce en l'air. Ça nous fait toujours plaisir. Puis un petit message quand c'est vraiment personnel. On va remercier à nouveau. On va remercier notre ami Florent qui nous envoie des petits messages aussi vocaux, des messages vocaux. Hein, parce qu'il y en a plusieurs. Donc il nous en a envoyé un seul, mais bon, habituellement il nous envoie plusieurs pour nous dire que le podcast il est dans la boîte, c'est en train d'enregistrer. Donc on l'aura en début de semaine comme d'habitude. Hein. Même je pense qu'il a mis. Je sais pas exactement. Je suis en train de regarder en même temps. Je suis en train de remonter un petit peu le temps et l'affiche est normalement Normalement, le message était là, mais il n'est plus. Ou alors, ça n'a pas été actualisé. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, vous aurez le podcast très bientôt. Là, on va rendre l'antenne, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Nous, on va rester dans les studios parce qu'on a des photos à prendre, parce que les photos, c'est important, c'est des souvenirs. Et puis, après, on les partagera dans le mur de Facebook de l'émission Mavrika. Voilà. Continuez à regarder les photos, le podcast va arriver, vous allez pouvoir réécouter l'émission si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter. Et puis on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec The Brunettes pour l'émission numéro 538. Voilà, dans l'ordre. Voilà, en tout cas, merci Elsia d'être venue dans cette émission. Alors, merci Albino. La porte est toujours ouverte, hein. Surtout pour des artistes comme toi, c'est toujours un plaisir. Et en plus, tu as une facilité de parler à la radio, ça me fait vraiment plaisir. Moi je prends grand plaisir à échanger avec vous et puis à faire découvrir mon univers. C'est vrai que j'avais à cœur, je t'avais demandé si je pouvais venir avec une playlist parce que je trouvais que c'était important. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, c'est même conseil. C'est vrai que des fois, les artistes viennent pour parler d'eux. Et moi, s'il faut combler, moi, j'ai de quoi faire. Il y a beaucoup de musique, mais j'aime bien aussi que les gens viennent avec leurs influences, les artistes qu'ils aiment, pour qu'on soit vraiment bien imprégné dans leur univers. Et je pense que c'est important. Ouais, ça c'est important. Voilà. Donc merci beaucoup à toi. Et puis de toute façon, quand l'album il est prêt, tu reviens. Il y a pas de souci. Oui, ah bah oui. tu connais le chemin maintenant. Et on va souhaiter à nos auditeurs une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et sur le www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà. Bonne soirée à tous et bonne nuit. Allez, bonne soirée à tous et bonne nuit. Et on se quitte avec le fameux titre No Games. Toute splendeur a perdu sa fraîcheur, la violence des mots me colle à la peau, spirale infernale, ce visage glacial, son emprise torturée m'a déglingué. En couleur.